Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où on discute des films que l'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 42, enregistré le 12 juillet 2018. Je suis Axel, votre hôte durant cette émission, mais je ne suis pas seul puisque j'ai mes deux comparses à mes côtés déjà, donc que vous connaissez, en commençant par Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas ? Ça va. Bah nickel, ça va. Et ensuite Morgane, du coup, salut. Salut. Tu vas bien ? Et vous ? Bah très bien, merci beaucoup. Et on a aussi, du coup, ceux qui avaient écouté un ou deux épisodes antérieurs de Parlons Cinéma, vous avez pu le découvrir, et là, il fait sa première apparition dans le podcast Movies Nerd, et c'est un plaisir de recevoir. C'est Antoine, salut. Bonjour à tous. Comment tu vas ? Eh ben ça va très bien, merci. Ouais, c'est un plaisir de te recevoir déjà. Eh ben ça plaisir aussi. ça fait longtemps en plus. Oui non mais c'est vrai et c'était cool ce qu'on, enfin j'ai trouvé que ce qu'on avait réussi à faire dans Parlons Cinéma c'était vraiment bien, donc je suis content de te recevoir pour la vraie émission entre guillemets, même si c'est pas enfin, voilà quoi, tu vois. Eh bien c'est donc, gentil, merci. Et puis c'est surtout grâce à moi parce que c'est moi qui l'ai recruté. Je pense que je fais un très bon DRH. Ouais. Il faut qu'il se lance des fleurs. Hein. Bah personne ne le fait, autant le faire soi-même. Hein. C'est sûr. Ok, bon. Du coup, maintenant, on va passer du coup au sommaire, puisqu'on a quand même pas mal de films dont on va parler. On va parler des films du mois de juin, du coup. Comme vous avez remarqué, on a fait rapidement entre le 41 et le 42 parce qu'on veut enchaîner, on veut rattraper notre retard. Donc, le sommaire, on commencera avec la Selec, où on va parler entre autres de Love, Simon, Sans un bruit et Death Wish. Ensuite, on aura le film du mois, où cette fois-ci, ce sera consacré à Jurassic World Fallen Kingdom, une rubrique attendue, puisque ça fait pas mal de temps qu'on... Bah, ça fait 3 ans, là, bientôt, que... Ça fait 3 ans, justement, qu'il est sorti le premier, donc voilà. On vous donnera notre avis sur ce deuxième film, et on finira par une minute nerd. Cette fois-ci, ce sera autour d'Eddy. Pour l'instant il sait pas vraiment, mais on verra bien, on trouvera quelque chose, il y a pas de souci. Pour le moment il y en a pas. Ah ouais. On va trouver quelque chose, il y a pas de problème. Du coup maintenant qu'on a fait tout ça, on va passer directement à la sélection. C'est parti. On est à la Selec et on va commencer avec Morgane qui va nous parler de Sans un bruit. Morgane, je t'en prie. Si tu m'entends. Bah oui, mais c'est Sans un bruit. Ah, voilà. C'était trop drôle, c'est ça. Ah, oh, j'adorais, mon Dieu. Ouais, non, c'est parfait. C'était bien, non, vas-y. C'était bien. Donc, voilà. Non, mais les gens, ils ont dû se dire, oh putain, enfin il ferme sa gueule. Eh ben non, c'était une blague. Non, ils ont dû se dire, il y a un bug avec Skype et Axel est comme un con en train de demander à quelqu'un qui n'est plus là. Donc, alors, oui, Sans un bruit, le film, j'ai envie de dire événement quand même, hein, parce qu'il était très attendu. Il y a une grosse machine promotionnelle qui jouait sur sa bande-annonce, sur son concept un petit peu, je vais pas dire novateur, mais assez curieux. Mais déjà, il a fait beaucoup de bruit aux États-Unis puisqu'il était sorti beaucoup, très fin, beaucoup en avance, quoi. En plus de la machine promotionnelle, c'était déjà des critiques dithyrambiques du côté des États-Unis. Et un carton monumental aussi. C'était un grand carton. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Mais que du bien. Alors, ce genre de film, faut toujours s'en méfier un petit peu parce que les films qui sont baignés dans une hype, on l'a vu l'année dernière avec Get Out, moi qui m'a plu, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui ont eu des réserves sur Get Out, qui se sont dit beaucoup de bruit pour rien, hein, là aussi. Et sans un bruit, il y avait un peu quelques retours similaires. Il y en a qui parlaient un peu de renouveau, il y en a qui parlaient d'escroquerie aussi. En voyant le film un peu tardivement, je me suis pris vraiment une claque. Une claque parce que c'est pas qu'un film à concept, c'est pas qu'un thriller conceptuel plus qu'un film d'horreur. Honnêtement, c'est pas un film qui fait peur dans le sens c'est pas Conjuring quoi, c'est pas un gros film de monstre, ouais. C'est vraiment un film d'ambiance qui fait peur par son climat, parce qu'il fait entendre ou parce qu'il ne fait pas entendre justement. Et comme par exemple j'avais cité Mad Max Fury Road à l'époque où je disais que c'était un film qui s'inspirait du cinéma muet et tout, et ben là on a un autre film avec un genre totalement différent de Fury Road mais qui se sert des codes du cinéma muet, parce qu'il faut savoir qu'avec ce film là vous allez voir un film qui va être très peu fourni en dialogue, voire pas du tout. C'est un film quasiment muet où les personnages chuchotent un tout petit peu, mais vraiment le son a une importance capitale en matière d'ambiance. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui lui reprochaient qu'il y a une utilisation de la musique qui est un petit peu abusive et qui surexplique tout. On avait fait à peu près les mêmes reproches que Gravity à l'époque, mais moi je trouve que la musique dans ce film-là, en plus d'être belle, amplifie carrément la tension dramatique qui, je trouve, est parfaite. En plus, ça dure 1h30, donc c'est pas un film qui est très gourmand sur la durée en termes de rythme, c'est juste parfait. On commence par une scène d'intro qui pose les bases bien comme il faut, qui est déchirante, qui met en place son concept. Et ce qui est bien avec ce film-là, c'est qu'à aucun moment il ne surexplique son truc. Même au niveau de la fin fait encore une fois débat, alors que pour moi c'est l'un des plans finaux les plus badass que j'ai vu de cette année, clairement. Je suis sorti de la salle, j'étais juste en transe, quoi, parce que la tension, parce que Emily Blunt aussi est juste prodigieuse dans ce film-là. Et justement, quand Antoine avait fait son premier podcast avec nous, on avait parlé de la bande-annonce de Mary Poppins, et j'avais dit que j'étais fou de cette actrice, et là, ce film-là me confirme bien que je suis fou d'elle. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que le réalisateur du film, qui est John Krasinski, je crois qu'il a bossé sur la série The Office, il me semble. Il est acteur de base, et d'ailleurs, il est acteur en plus de base. Voilà. Il joue en plus de. Ouais, c'est un très bon acteur. Et il joue le rôle du mari d'Emily Blunt. Et c'est aussi son vrai mari dans la vie. Donc voilà, petite anecdote. Mais en tout cas, je trouve que c'est un film qui repose sur son concept, comme je l'ai dit. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il propose quelque chose de différent. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'impression de voir un film de genre muet. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une vraie proposition de cinéma qui est intéressante et qui est garnie de moments où, franchement, comme je dis, c'est pas une peur, on va dire, c'est pas une peur popcorn, c'est pas une peur à la Annabelle, à la Conjuring, enfin, Conjuring 2, parce que j'avoue, j'aime pas Conjuring 2, mais c'est pas genre les productions Blumhouse, les films d'horreur un peu popcorn movie qu'on consomme vite. Non, c'est un film à atmosphère qui vous prend vraiment à la gorge. Et il y a des trouvailles en matière de mise en scène, ça repose sur quelque chose d'assez fou, et ça l'exploite jusqu'au bout, sans trop en faire, sans tomber dans le sensationnel, dans le spectaculaire un peu vain, où ça veut tout expliquer, et c'était ça qui me faisait peur, parce qu'évidemment, alors je vais raconter un peu l'histoire aussi, parce que je l'ai pas raconté, ça se passe dans un futur proche où en gros c'est l'apocalypse, où toute la population a été décimée par des créatures qui sautent en gros sur tout ce qui fait le moindre bruit. Donc en gros, les survivants restants doivent s'habituer au silence le plus complet, c'est-à-dire même un bout de, je sais pas, un verre qui tombe, bah, vous pouvez être sûr qu'il y a une créature qui réplique et qui vous saute à la gorge. Donc il ne faut pas parler, il faut faire le moins de bruit possible. Et même au niveau de la, pourquoi ces créatures sont là, pourquoi, etc. C'est un film qui ne surexplique rien. Il laisse des questions en suspens, et je trouve que c'est nécessaire de le faire à travers un film qui est d'une maîtrise absolument dingue. Il me semble que c'est sa première réalisation. Je suis pas sûr, je me suis pas renseigné, mais en tout cas c'est juste. Non, c'est pas sa première réal. Non. Bon, bah c'est pas sa première réal, mais en tout cas c'est son premier film de genre, on va dire. Mais en tout cas, c'est pas un succès qui a été volé. J'ai trouvé ça effrayant, bluffant. Maîtriser, c'est une grande claque pour moi. Donc faut y aller. Ouais. Ok. C'est un film à la hauteur de la hype. Mais je sais qu'on peut craindre, même moi, quand on me survend un film, je dis ouais, bon, d'accord. Et j'y vais en plus avec cet a priori là. J'y vais pas en me disant je vais voir un film. Non, je vais voir le film dont tout le monde parle. Et franchement, il a pas volé sa réputation parce que j'ai eu envie de le revoir. Aussitôt que j'étais sorti de la salle, j'avais envie de le revoir parce qu'il y a vraiment des scènes d'anthologie, quoi. D'accord. Ok, ouais, moi en tout cas je vais le voir la semaine prochaine, donc je suis très impatient. Antoine, du coup, toi tu vas nous parler de Death Wish. Donc vas-y, je t'en prie. Ouais. Ouais, donc Death Wish, donc le remake de Injusticier, pardon, dans la ville, le film 70, sorti dans ouais, les avec années Charles 70, c'est Bronson, ouais. ça? Ouais. Ouais, voilà. Donc là, c'est un remake de Eli Roth. Donc Eli Roth, c'est un réalisateur assez connu. Donc par exemple, on l'a vu dans Hostel, Green Inferno, il y a pas longtemps. On l'avait vu aussi Inglorious, qui jouait dans Inglorious Bastards, Ours juif, la célèbre ouais. scène avec la batte de baseball. Et là, il revient justement avec ce remake. Et je trouve que c'est un bon film. En tout cas, quand tu vois les bandes annonces, tu penses que ça doit être un film débile. C'est Bruce Willis qui pète un plomb et qui va essayer de tuer tout le monde dans la rue. Mais en vrai, pas du tout. Je trouve qu'il y a vraiment une critique en fait de la société américaine, de tout ce qui est l'armement, de tout ce qui est la délinquance. Il y a aussi une petite critique d'Internet, mais il critique Internet, mais il l'utilise quand même beaucoup dans le film parce que dans le film, bah, sans spoiler, mais à la base, le personnage joué par Bruce Willis, en fait, c'est un chirurgien. Et qui en fait un jour, bah, il est vraiment riche et un jour il va se faire cambrioler des affaires chez lui et en fait sa femme va mourir et sa fille pardon va se faire tabasser et en fait il se rend compte que c'est vraiment le bordel et qu'il faut intervenir parce que la police elle fait rien et en fait il va décider de se venger et de trouver des armes et essayer de tuer les gens qui l'ont braqué et qui ont tué sa femme et c'est bien parce que il connaît pas les armes, tout ça, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser Internet. Par exemple, il va regarder des tutos YouTube comment utiliser une arme, comment l'entretenir, comment la nettoyer. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve, et ça utilise Internet de façon intelligente. C'est même quelque chose de très réaliste. Enfin, si on va sur YouTube et on tape comment recharger son arme, ou enfin, des tutos, en avis, on en trouve plus que des centaines. Et il y a même aussi, par exemple, Eli Roth, en fait, il va montrer comment la population elle réagit aux actions de Bruce Willis grâce à Internet. Par exemple, on va voir des shows américains qui vont parler. On va parler de la radio, des gens qui appellent la radio pour expliquer s'ils sont pour ou contre. Enfin, il y a plein de questions assez intéressantes. Au début, j'avais un peu peur parce que la façon dont c'était montré et comment c'était expliqué, tu disais, en fait, peut-être que Eli Roth, il dit si le gars il aurait été armé, ce serait pas passé comme ça. Et je m'étais dit, ouais, peut-être qu'il va essayer de nous faire passer un message pro-arme, tout ça. Et finalement, au bout d'un moment, vraiment, quand il se lâche, il va vraiment parler qu'il y a vraiment des problèmes au niveau de l'administration américaine sur les armes, que c'est vachement facile de se trouver une arme, il suffit d'acheter un permis et ça va très vite. Et vraiment, je trouve que c'est loin d'être un film stupide. Après, ça peut, il y a des gens, ils vont trouver ça que c'est très simpliste. De critiquer la société américaine comme ça, mais je trouve que c'est vachement bien foutu en plus. C'est quand même assez violent. C'est vraiment bien filmé, c'est très bien joué. Il y a Bruce Willis, il y a Vincent D'Onofrio, il y a aussi l'acteur de Breaking Bad, celui qui Ah jouait oui, Hank, qui joue aussi dedans. Et en plus, il ouais, joue un du coup, policier, donc le ouais. rapprochement est assez marrant. Donc, non, vraiment, c'est Death Wish, c'est une bonne surprise. J'en attendais pas forcément grand-chose, mais je trouve que ça Ouais. reste un très bon film. Et un Ouais, bon film mais d'action en c'est cool, plus. franchement. Ouais, justement, en plus, puisque le film original est vraiment plutôt pro-gun, enfin pro-flingue, quoi, pro-armement Ouais. personnel, alors que du coup, c'est marrant qu'il ait repris ce film pour détourner le message et. Ouais, il le détourne, Ouais, ouais, non, voilà, il le c'est retourne, voilà. intéressant, franchement, moi, ça, c'est un film que j'étais même pas au courant qu'il allait sortir, et du coup, tu. Ouais, Bah, il est bah passé ouais. presque inaperçu en fait, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de Ouais, promotion non, là-dessus. franchement, ça m'intéresse beaucoup, donc c'est cool, merci de m'avoir fait découvrir ça au moins. Non Ouais. mais franchement, je le conseille, il est vachement sympa. Ça peut ressembler un peu à un Ouais. téléfilm parfois. Bah, le début, ça fait un peu superficiel. On voit Bruce Willis, il est content, sa fille, elle part à l'université, mais lui, il est triste. Enfin, Ouais. ça fait un peu superficiel, un peu cliché, mais quand il est réellement. Bah, tu sens qu'Eli Roth, au début du film, il se fait un peu chier. S'il peut pas tuer des gens ou des trucs comme ça, tu sens que le gars, il se fait un peu chier. Mais dès qu'il peut réellement faire des scènes d'action, montrer Bruce Willis un peu violent, là, tu sens qu'il s'amuse et qu'il fait vraiment des plans séquences. Il a réellement une mise en scène assez Ouais. intéressante Mais aussi, je moi, je pense qu'il n'y trouve. avait pas un budget non plus énorme, énormissime dans ce film, donc Ouais, je pense pas non c'est plus. clair que ouais. Mais non, mais c'est cool. Ok. On va passer du coup complètement autre chose avec non, Eddie on va passer à du qui va nous parler. Et ouais. Du mignon et du tout ce que tu veux. Ouais. Il y a plus de mort là. Non. Enfin, en tout cas, ouais. Donc, oui. On va parler. Enfin, non, je pense pas. Enfin, peut-être qu'il appréciera en tant que spectateur, mais en tant que réalisateur, je pense pas. Donc, tu vas nous parler de Love, Simon. Oui, que je pensais pas forcément voir, et en fait, l'occasion s'est trouvée. Donc, bah voilà. Mmh. Ça me bottait pas tant que ça parce que moi j'en ai marre de ce genre de film là en fait en général. Sauf qu'il a, ouais. Il a eu un excellent bouche à oreille et du coup. Ah, mais c'est bon, il a compris un truc grivois. Ah, non, je vais pas la faire, bah voilà, non. Bah, bouche à oreille en plus, je vois pas le. Bon, bref. Oh, mais un peu de fantaisie. Oui. On va te laisser te fantasmer dans ton coin. Voilà, Morgane. c'est ça. Exactement. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Merci, Morgane. Il y a eu un très bon bouche à oreille, pardon, sur ce film. Voilà. Oui, pas horaire, non. Ouais, ça a teasé un peu ma curiosité. Ouais. Et du coup, effectivement, j'ai trouvé que c'était un bon film. C'est pas révolutionnaire, mais je comprends en fait le. Il y en a beaucoup qui lui l'ont vendu comme effectivement c'est gentillet, c'est simplet, mais c'est important. Et en fait, c'est clairement ça. C'est que ça invente rien. Ça, on en a déjà vu plein des comme ça. Mais le fait que ça soit produit par la Fox, qui est quand même un studio, l'un des plus grands sur le devant de la scène, ouais. Et que le personnage principal soit gay, du coup. Oui, c'est ce qui fait que le film est important dans la manière dont il est exploité au cinéma, surtout. C'est pas l'histoire en elle-même. L'histoire en elle-même, on l'a déjà vu plein de fois. Et après, même si ici, elle est bien traitée et que tout le monde joue bien qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'approuve ce que tu dis. Ah, pardon. Et que du coup, enfin, voilà, on s'identifie facilement au personnage. Ouais. J'ai pas grand chose à en dire si ce n'est que oui effectivement c'est très bien mais c'est très bien après je suis pas dithyrambique dessus non plus mais ça mérite le succès qu'il a eu et je pense que c'est un film qui peut aussi aider beaucoup de jeunes à appréhender leur futur et tout et voilà après le petit enfin il y a le film prend. Le film sort un peu des clichés, c'est-à-dire que le héros est très hétéronormé quand même, donc ça va. Enfin, c'est bien, je trouve, ça change. Par contre, oui, forcément, grosse guillemets sur ce que je veux dire, oui, forcément, dans le lycée, t'as la folle aussi, quoi. Y a voilà, tout ça. Parlons-en. Mais ils appuient pas. On a un peu d'Angli par moment, quand même, hein, je trouve. Un peu de. Ah, tu connais pas la série Glee? Ah, j'ai compris, Angli. Comédie musicale. Ouais, ah, on a un peu d'Angli. Ah oui, c'est vrai. Non. On est d'Angli, oui, c'est un côté. Ça fait Glee, un peu Glee quand même. Ouais. Mais c'est moins peu... énervant, je trouve. Personnellement, j'ai pas vu le film, mais les parents, je les ai vus. Ça fait un peu un cliché peu, quand même. Ça, c'est mon défaut. Hein. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de clichés. Oui, mais je veux dans la réalisation, tout ça. C'est estampillé Fox. C'est vraiment un teenage movie Fox. Et de toute façon, tu vas pas pour la réalisation, j'ai envie de dire. Moi, j'allais pas pour la mise en scène ou quoi que ce soit. Oui, mais pour les personnages, tout ça, je sais pas, ça fait un peu côté de teenage, un peu cliché. C'est une rom-com, hein, complètement. Mais après, les personnages... oui, c'est des intrigues de teenage, mais par exemple, Simon, il est pas si cliché que ça non plus, quoi. Il est, évidemment, c'est pas le personnage du siècle, on l'a vu plein de fois, mais je trouve qu'il est... c'est assez juste et c'est surtout que ce qu'il vit, c'est surtout bien retranscrit, en fait. Enfin, je trouve que c'est assez réaliste, malgré les clichés. Et c'est ça qui... D'accord. J'irai pas le comparer à la vie d'Adèle, mais en fait, c'est un peu le même style, mais de manière beaucoup plus accessible. Ouais. Ou Call Me By Your Name aussi. Un peu. Ah ouais, parce que Call Me By Your Name... D'ailleurs, il y a... Après, bon, c'est... Call Me By Your Name, c'est encore différent. Mais ouais, il y a un côté un peu plus érotique. Call Me By Your Name, on ne pose pas forcément pas là, la question de l'acceptation au niveau de la société. C'est, les c'est deux plus sont une affaire dans... de famille. Ouais. Oui, voilà. Une affaire de famille, donc, ouais. Ouais, et là ouais, voilà. C'est assez prévisible parce qu'on sait très bien que ça se passera bien pour lui, ses parents, il a des super parents là, dans Love Simon et tout, il a des super amis. Ce que le film met en avant, et ça c'est important, c'est que son coming out en fait doit rester un choix, c'est personnel. Et après les péripéties du film font que voilà, mais mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de reproches à lui faire, si ce n'est qu'il y a certains petits clichés qui subsistent, mais ils appuient pas dessus non plus, c'est pas méchant. Après il y a des petites choses faciles, genre la prof de théâtre qui pour le coup est très ouverte, il y a une scène où la scène est cool, où on se dit oui, alors est-ce qu'il y a beaucoup de profs qui feraient ça dans la vraie vie, je sais pas. Mais bon, je trouve que pour le public visé et le sujet traité, je trouve que le sujet est bien traité et que pour le public visé, c'est sans fioriture, c'est bien amené, quoi. Et c'est surtout que tu peux aller le voir, que tu sois touché par le sujet ou non, en fait. Mais du coup ça s'assume en tant que film, tu vois, teenage movie, ils essayent pas de se faire passer pour un moi, j'ai trouvé ça très c'est vrai. Donc, c'est un bon film, après oui évidemment c'est un film de 2018 quoi, mais okay. Vous irez lire la critique de Quentin sur le site. Oui voilà, j'avais justement, je comprends que Quentin ça avait pu le chambouler à ce point quoi. Ben il est complètement dans le public visé et dans la tranche d'âge en tout cas, et du coup oui ça me surprend pas que le film engendre des réactions comme ça, et c'est bien pour lui même, je pense, c'est ce qui est à souhaiter. Ouais. Donc voilà, puis ça reste quand même un film américain où c'est le pays des libertés, puis finalement, dès que t'es pas vraiment dans la norme, t'es un peu montré du doigt. Donc bon, il y a le contexte, c'est tout, encore une fois, c'est pas forcément le film qui Non, on retiendra pas ce film dans 10 ans. Mais c'est tout le contexte autour, en fait. Ouais, voilà. J'ai regardé la critique de Durandal justement sur le film, mais bon, pas du tout aimé. C'est pas une référence, hein. Il a des goûts assez particuliers. Durandal, de toute façon, quand ça marche, il n'aimera pas. Si ça se fait défoncer par la critique, il aime. Donc, tu sais, Durandal, faut faire la part des choses. Ok. Voilà. regardez, Hérédité qui se fait encenser de partout, il a adoré. Hein. Comme quoi. Ouais. Oui, parce que ça se. Ah oui, il a aimé. Ah oui, oui. Ah ouais, Hérédité, tout le monde. Alors que moi, j'ai pas aimé. Vous voyez. Ouais. Je l'ai pas encore vu. Faut pas le voir. T'avais pas aimé The Witch? Le truc dans la forêt. Voilà, The Witch. Oui, tout ce qui The Witch, pardon. 124, de toute façon, j'aime pas. The Witch, Hérédité, et puis It Come At Night. J'en ai aimé aucun. C'est pas pour moi. It Come At Night, j'avais pas du tout aimé, mais The Witch, j'avais plutôt bien aimé. The Witch. En plus, elle joue très bien, je trouve. Ah oui, mais elle est mieux dans Split. Oui. Ah oui, c'est là. Oui. Ça, je veux pas te contredire là-dessus. D'ailleurs, mais les premières images sont sorties, voilà, ça a l'air très beau. Oui, sur c'est le magnifique, ça. J'ai vu tout à l'heure. Elle a pas le son. Ok, très bien. après ce moment. Du coup, on a fini sur la série. Non, j'allais parler Love Simon, moi, quand même, un petit peu. Bah oui, Morgane. Ah, pardon. Parce que moi, il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé dans le film. Vas-y. Comme les fameux clichés dont on parle. Effectivement, je trouve que c'est un film important hein, par rapport à son sujet. C'est bien de mettre en avant des personnages. Comme ça, enfin gay, hein, on va dire le mot, c'est pas interdit. Vraiment que le film en plus s'assume comme tel, avec ce qu'il faut d'émotion et d'humour. Néanmoins, à deux ou trois reprises, je me suis dit, on est quand même dans un teenage movie très estampillé Fox, parce qu'il y a un côté un petit peu idéaliste, quand même. C'est un peu bisounours, quand même, comme film. C'est innocent. C'est un peu innocent. Et je trouve que même le coming out du héros, du personnage principal de l'histoire, se passe bien. Mais ce serait peut-être bien aussi de montrer qu'il y a des coming out qui se passent pas toujours bien. Et je trouve quand même le film un peu oui, mais quel intérêt est-ce que ça a déjà été montré? Bah non, justement, ça n'a pas été montré. Bah si. Dans un teen movie, des trucs comme ça. Dans des par trucs exemple, grand public, oui, peut-être un peu moins, mais... Alors, c'est vrai qu'on parlait de Glee. Dans Glee, justement, le personnage de Kurt, qui est donc le personnage homosexuel du de la série. Insupportable. Moi je supporte pas. Ah oui, t'es insupportable. Bah, on montre bien. Je vais te recrocher sur lui, moi. Il montre quand même que son coming out, il y a quand même eu un peu de mal. Que là, bon. Parfois, je me suis dit, on est un peu dans un truc Disney Channel. Mais avec. Oh non, quand même pas. De temps en temps, je trouve. Moi, je trouve pas. Parce que c'est un peu naïf, mais en même temps, c'est mignon. Donc, du coup, je peux pas. Pour moi, c'est pas un défaut, mais. Quand je prends du recul, je me dis bon quand même. Et de toute façon, je pense que le film, au-delà de son sujet et tout, ça peut même se voir comme un feel good movie en fait. Ah mais oui, c'en est un totalement. Et franchement, je me suis amusé. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça touchant. Et même l'intrigue, c'est la dernière partie du film qui est un peu plus dans l'émotionnel. Et c'est peut-être moins réussi de ce côté-là, même s'il y a des trucs assez justes. Mais c'est vrai que personnellement, je pense que j'aurais préféré que le film reste sur le même ton que celui du début, en fait. Bah, c'est surtout que. Non, je trouve qu'il y a un peu deux films en un, et même l'intrigue principale sur qui est ce. Comment il s'appelle dans l'histoire? Blue. C'est pas Blue, c'est Blue, un truc comme ça? Bah oui, c'est le nom. C'est le chat d'Eddie. Oui, c'est avant ça. Avant d'être le crush de Simon, c'est le chat d'Eddie. Hein, on surpasse tout le monde. Dédicace. Hein. Et aussi. Ah bah justement, podcast. Attendez, dans Jurassic World. Bah oui, podcast Blue. Spécial Blue, dis donc. Ouais. Bah justement, je trouve que cette intrigue-là marche vraiment bien. On se laisse vraiment prendre dans le jeu, ça peut être qui, tout ça. Il y a quand même un sens du suspense qui est quand même assez bien. Moi, je ne l'ai pas vraiment vu venir en plus. Donc Alors, moi non plus. Moi, j'avais misé sur un autre personnage et ça aurait été très glauque si ça avait été lui, mais je me suis dit, c'est bien possible. Mais on en parlera en off après. Et aussi. Hein ? Non, rien. Je réfléchis. Et aussi. Mais oui, non. En termes de personnages, justement, les personnages sont quand même assez beaux et bien écrits. À commencer par les personnages secondaires. Je trouve que les parents de Simon sont absolument géniaux. Donc, ils sont joués par Jennifer Garner et Josh Duhamel. Ils sont très crédibles. Ils sont très crédibles. Et d'ailleurs, la réaction du père à la fin m'a énormément touché. Et ça, j'ai aimé ce personnage-là. Ce personnage-là qui prend du recul sur ce qu'il a pu dire durant toutes ces années. Je trouve que ça, c'est très intéressant à mettre en avant. Mais vraiment, il y a des moments où le film est vraiment touché par la grâce et je l'ai trouvé vraiment très beau et très touchant, mais il y a d'autres moments je me dis bon, on est quand même dans du teenage movie un peu estampillé. Après c'est, ça reste le bon. Ça reste quand même, enfin Greg Berlanti, ça reste le producteur de Riverdale, de des séries Flash et compagnie là, et donc bon. Ah oui, oui, non, c'est. Voilà, ouais. Mais. Il n'y a pas l'actrice de 30 Reasons Why dedans ? Si, bah, il y a deux acteurs de 30 Reasons Why. Ah ouais, oui, il y a il y a Catherine Langford qui joue Anna dans 30 Reasons Why. Et il y a. Elle est aussi chiante dans ce film-là elle est chiante, hein. Le personnage est chiant. Dans 30... Non, mais déjà, dans 30 Reasons Why, le personnage est chiant parce qu'en plus, il y a une scène avec Simon, Eddie, on va parler à demi-mot. On se dit, mais attends, mais merde, même là, elle trouve le moyen de se plaindre. Elle se plaint tout le temps, cette meuf. Insupportable dans, dans la série. C'est con parce que moi, je trouve que l'actrice joue bien, pourtant. Ah, bah, joue bien les chieuses, oui. Et l'autre acteur, c'est celui qui joue Alex dans 13 Reasons Why, mais j'ai oublié le. J'ai oublié le nom. C'est plus comme ça. Alex, c'est le blond, c'est là, celui le qui, du dans policier. La saison 2, Mais il a un handicap du coup. Mais je trouve que tout le monde joue bien en plus dans le film. Donc et si il y a aussi celle qui joue, Tornade dans Apocalypse, X-Men Apocalypse. La Libéry. D'accord. Non, la version jeune. Non, la version. Alexandra Shipp qui joue Tornade. Mais ils sont tous très bien. Et puis c'est elle. Et raison de plus, c'est un podcast Jurassic World. Simon est joué par Nick Robinson, oui, en plus. Qui jouait dans Jurassic World. Alors, le personnage est bien aux antipodes de Jurassic World. il était à fond sur toutes les filles qu'il croisait dans le parc. Là, pour le coup, c'est complètement différent. Mais il joue très bien, moi, je trouve. Enfin, moi, j'y ai cru. Et pourtant, et vous êtes chiant sur ce genre de film. Donc, bon. Et puisqu'on parle de Jurassic World, il y a un cameo de Chris Pratt. Non, je déconne. J'allais dire... Faut pas exagérer. Donc Morgane, c'est bon, tu. Ouais, c'était cool. Tu veux rajouter quelque chose sur Love, Simon? Non, c'était bien. Ouais, non, c'est c'était bon. C'était bien, mais okay. Voilà. C'est ça. C'est, okay. C'est bien, ça fait très son bien. Œuvre, mais après, c'est pas non plus. C'est pas waouh. Non, voilà. Ok, très bien. Du coup, on va clôturer cette sélection de ce podcast et on va passer tout de suite au film du mois, du coup, la rubrique que tout le monde attend sur Ouais. Jurassic World Fallen Kingdom. C'est parti. On est à la rubrique du film du mois et donc comme je l'ai annoncé, on va parler de Jurassic World Fallen Kingdom ou Mon Jurassic Glorium Déchu pour nos amis québécois. Réalisé par Juan Antonio Bayona. Le Royaume Déchu. Le Royaume Déchu. Mais en fait non, c'est la traduction c'est des gens, littérale, ils sont hein. pas contents, ils sont très déchus. Fallen Kingdom ça veut dire le Royaume Déchu, mais c'est pas grave. Royaume Déchu. Donc... Arrête, Réalisé par Juan Antonio Bayona, je disais, du coup, scénario par Derek Connolly pardon, et Colin Trevorrow. Le film est sorti en France bien avant les États-Unis, ça m'avait assez choqué d'ailleurs, enfin surpris plutôt. Presque un mois. Ouais, donc en France, France-Belgique plus Suisse, sorti le 6 juin 2018, et aux États-Unis le 22 juin 2018, donc quasiment même 3 semaines après. Voilà. Au niveau du casting, on retrouve Chris Pratt et Bryce Dallas Howard en tête d'affiche, comme pour le premier. On découvre Rafe Spall, Justice Smith, Daniela Pineda, James Cromwell, Toby Jones, Ted Levine, B.D. Wong qui reprend son rôle de Dr. Henry Wu. Je n'aime pas du tout cet acteur. Je l'aime pas, il m'énerve, on dirait un oompa loompa. Non, mais c'est physique, il y a des acteurs comme ça, je peux pas. C'est physique. Il y a lui et Claire Foy récemment, là, que j'ai vu dans Paris. Oh non, Claire Foy. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourtant, qu'est-ce qu'elle joue bien, moi, je trouve. Ah non, mais elle joue bien, mais je peux pas. Ah oui. Ah, elle joue bien. Attendez, j'ai pas dit que les acteurs étaient mauvais, j'ai dit que je les aimais pas, c'est différent. C'est physique, c'est physique, ouais. j'aime pas leur tête. Oui, mais il y a des. Oui. Et June, okay, et Juno Temple aussi, je peux pas. Oui. Ok, bon. C'est bon. Bref. Isabella Sermon, Geraldine Chaplin, donc la fille de Charlie Chaplin, hein, à savoir. Bah, elle lui ressemble d'ailleurs. Il y a des airs quand même, moi je trouve. Ouais. Jeff Goldblum, voilà, qui reprend son rôle de Dr. Ian Malcolm. On a vu dans Le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Goldblum. Oh putain, Morgan, mais c'est okay. nul. Non, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. C'est vraiment on a le Aldi là des... c'est vraiment... D'ailleurs Jeff Goldblum honnêtement c'est un gag quand même hein. Et vous avez vu le cachet qu'il a touché. Il a touché plus cher que Chris Pratt et oui. Bryce. Ah mais je trouve que c'est pas caméo inutile. Ouais non mais voilà quoi. Bon, on en parlera plus tard. C'était quand même le truc attendu par les fans de Jurassic Park. Bon, après tout le monde s'attendait à ce qu'il n'ait pas plus d'envergure que ça aussi. Hein. Oui, non, c'était bien sûr. Ouais. Mais de toute façon, il l'avait dit dès le début. Il avait qu'une semaine de tournage. Oh, donc, une semaine. Une semaine pour. Oui. Il a dû se faire chier dans sa salle d'audience pendant une semaine. Oh, bah ouais. C'est clair. Donc voilà. Donc moi, ce que je propose, c'est peut-être qu'on commence par Eddie, qui nous explique, puisque tu es. Peut-être la personne qui l'attendait le plus parmi nous. Je pense que c'est Antoine. Antoine, c'est fan de Bayona puissance 1000. Ah oui. Bah bon, c'est fan de Jurassic Park puissance 1000. Donc tu vois, je pense que les deux. les deux ça se complète. Ça. Voilà, ça se complète. Et j'aime bien Bayona aussi. Mais. Voilà, parfait. Très bon genre. Morgane, du coup, non mais je ne parle que quand elle sera bonne la blague. Tu la réfléchis bien avant et tu voilà. Ok. Tu retournes douce fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Du coup, Eddie, toi tu l'attendais, t'avais aimé, même bien aimé puisque c'était ton film de 2015, et moi, Jurassic World. Aimé Jurassic World. C'est un film que je continue à... Je l'ai surnoté sur Sens Critique, volontairement, et je le défends. Oui, parce qu'il est... Et je le défends parce que Je pense pas que ça soit le pire film du siècle et c'est injustement bâché. Tu l'avais mis en top 1 de tes films de 2015, il me semble. Oui, parce que c'est ça. Mais c'est pareil, c'est des tops, c'est personnel. Donc tu vois, c'est. Oui, bah, oui. Bah. Non, mais c'est pas un reproche. Hein, c'est... Et, si donc voilà. En 2015, il y avait eu mieux que Jurassic World, j'en conviens. Ouais. Mais du coup, c'est un peu le même conseil ici, en fait. Ouais. Ouais. C'est que. Alors, je préfère l'autre, hein. Oui. Le premier ? Bah oui, ouais. Parce que moi j'aime bien les parcs avec les dinosaures. Ouais. Non, je te comprends. Hein. Je te comprends, je crois. Et puis, mais celui-ci, c'est quand même quelque chose aussi, hein, je trouve, hein, parce que finalement, ça s'est révélé un peu plus surprenant que ce à quoi je m'attendais. D'ailleurs, Morgane peut en témoigner, parce que quand je l'ai vu, j'étais complètement paumé. Et c'est Morgane qui m'a aidé à faire un peu le point sur ce que j'avais vu. là, il s'en souvient plus parce qu'il dit rien. Donc, non, il est en train de chercher une blague. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Axel ? Non, vas-y. Je t'en prie. Au départ, j'en suis ressorti un petit peu désappointé, comme Gary Oldman. du coup, mais je savais pas. Enfin, en fait, j'avais du mal à savoir si j'avais aimé ou pas, en fait. Ce qui est assez problématique. Ouais. Parce que le film nous montre des... On aura une partie spoiler ou pas ? Je pense qu'on va spoiler directement, même. voilà, donc... Bon, ça fait un mois vous êtes prévenu... Ouais, voilà, ça fait un mois qu'il est sorti. Si vous êtes prévenu, si vous n'avez pas vu le film et que vous souhaitez ne pas être spoilé, on vous conseille de ne pas écouter cette partie. Donc voilà. Vas-y, Eddie, on peut spoiler. Mais c'est surtout qu'en fait, le film nous montre des trucs qu'on avait supposé possibles jusqu'ici, donc genre le clonage humain et le dinosaure, du coup, quasiment télécommandé, quoi. Ouais. Enfin, c'est machine de guerre. C'est quasiment, des trucs qui avaient été évoqués il y a longtemps déjà dans les romans. Moi, je m'en souviens très bien. L'idée d'un mini Triceratops. Pareil, dans le film, ils le disent, à un moment, il y a un des invités qui veut un mini Triceratops pour son fils. Oui. Le docteur Wu, en fait, dans les romans, évoquait déjà tout ça. L'idée de pousser la génétique dans ses retranchements pour façonner un peu des créatures comme il le voulait, et pour certaines utilisations et tout. Et en fait, mais c'était aberrant déjà que le personnage dise ça dans le roman, mais c'était volontaire, c'était pour critiquer finalement le pouvoir supposé de l'homme sur la génétique. Et on pensait pas forcément qu'un jour on verrait ça dans un film jurassique. Et ici, on le voit, donc c'est vrai que c'est un peu déconcertant. Moi, c'est vrai que la première apparition de l'Indoraptor, elle m'a bien. Je me suis dit, ok, il y a le truc répond au sniper, quoi. Et puis surtout, oui, la petite fille de Lockwood, qui est en fait sa fille, qui l'a clonée. C'est assez perturbant. Et comme le dit Morgan, en fait, c'est intéressant parce que Bayona, il ajoute ça dans la mise en scène. Notamment toute la scène dans le manoir où il y a le reflet dans la vitre, et finalement, c'est le visage de la petite, et derrière, il y a le reflet de l'Indoraptor, donc c'est vrai que ça donne lieu à des trucs assez bien. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, c'est compliqué quand même, c'est les directions qu'ils veulent prendre, ou c'est vraiment juste les dénoncer, tu vois, ça, je me suis dit, enfin, moi, j'ai pas... T'as pas accroché tout de suite. Je savais pas si c'était, en fait, judicieux de montrer ça, en fait, mais dans un sens, c'est vrai que c'est aussi le cinquième film. C'est fini enfin là clairement il y a une page qui se tourne, ne serait-ce qu'avec la destruction de d'Isla Nublar. Quel bras d'Isla Nublar, et alors mon dieu, c'est horrible. c'est affreux, hein. Cette scène là elle est déchirante, d'autant plus dinosaure que, préféré comment... qui se fait tuer mon dinosaure préféré qui se fait tuer, d'autant ça, plus qu'il meurt en prenant la même posture que la première fois on le et voit et en plus de ça Juan Antonio Bayona il l'a dit dans je sais plus dans quel magazine, mais que c'était bel et bien le brachiosaure du premier Jurassic Park. Alors bon, bref, ça, encore pire. Je trouve que c'est un peu facile, ça. C'est ouais, enfin, ouais. Oui, mais c'est facile. Oui, mais dans la symbolique, en plus, c'est c'est beau, le même que dans le mais premier, donc c'est encore plus émotionnel. Bah oui, mais peut-être, mais forcément. Il n'y avait pas mais besoin de ça pour que ce soit triste. Mais non, voilà, je pense que la scène se suffit à elle-même. Sans, pour moi, c'était un brachiosaure lambda. Bah oui, parce que et moi, personnellement, j'ai pas, je me suis pas posé la question. J'étais ému quand même. Hein. Oui, oh, voilà. Moi aussi. Non, par contre, ce qui m'a vraiment marqué, oui, c'est que le brachiosaure, quand on voit plus que son ombre dans la fumée du volcan, il a la, il même posture. Bah, il se lève sur ses pattes arrière comme comme quand Alan Grant le découvre pour la première fois dans le premier Jurassic. Mmh. Donc il y a des clins d'œil forcément. Ouais. Et là, pour le coup, ça c'est les clins d'œil que j'aime voir. Je trouve que c'est intéressant en fait. Ça joue évidemment beaucoup sur l'émotion, mais je trouve que là c'est intelligent. Et surtout dans la démarche où ben voilà, l'île avec les dinosaures, c'est fini quoi. Le il y aura plus de les dinos maintenant, on les verra autre part et autrement, et ce seront des vraies menaces mondiales. Mmh. Dans le voilà, premier film, dans le brachiosaure, il se levait pour vivre, oui. Et dans le nouveau, il se lève pour mourir. Et c'est ça, c'est exactement. Triste. Oui, ah oui, oui, non, mais c'est déchirant. Mmh. Et moi, enfin, moi, j'ai pleuré à chaudes larmes. Forcément. Moi aussi. qu'est-ce que je voulais dire ? Après, le film a aussi ses défauts, je pense. Oui. Ça, <c'est> tu sens où je veux en venir. Oui, non, le film a clairement des défauts, ça c'est évident. Je pense que moi j'apprécie en fait dans une certaine mesure le côté plus sombre, mais il y a des scènes pour le coup qui dénotent complètement. Il y a des, en fait, il y a des, et il y a un souci en fait de ton par moment. Ouais. Genre toute la première partie, quand Owen va chercher Blue sur l'île, donc il y a le volcan qui entre en éruption, il se prend sa fléchette là par les braconniers, et du coup il est évanoui, et la lave arrive, et là il y a la scène où il est à moitié paralysé, non, mais il essaie d'esquiver la lave et tout, mais c'est tellement ridicule. Ouais, ça c'est, voilà, c'est clairement ça creuse, surtout qu'après du coup on va dans quelque chose de plus dramatique où on voit tous les dinosaures qui meurent autour de nous, machin, enfin c'est pour ça qu'il y a des soucis en fait de, enfin je veux dire, le Blue qui est quand même un dinosaure finalement important. Alors je sais qu'il y en a parmi les fans qui aiment pas du tout ça, le fait que les dinosaures deviennent des personnages à part entière. Ouais. Moi ça me gêne pas plus que ça. On n'arrête pas de nous dire depuis le début qu'ils sont hyper intelligents, donc je vois pas où est le problème de nouer des liens avec eux. Bah, surtout que c'est et puis le T-Rex du premier. Oui. Donc C'était déjà un personnage, oui, le T-Rex voilà, du premier. Bien sûr. C'était même donc pas voilà. Un personnage, c'était carrément l'emblème du film. Bah, la star du film, voilà. De toute façon, c'est le T-Rex dans le premier. Donc, c'est vrai que oui, on passe de la scène où Blue se fait tirer dessus. Owen qui esquive la lave comme Indiana Jones sous ses datifs. Ouais. Et puis après, ouais. On passe à une scène où t'as tous les dinosaures qui courent vers la falaise pour s'échapper en sachant qu'ils vont tous se noyer. Donc je veux dire, oui, qu'est-ce que, enfin il y a un moment il faut savoir où s'asseoir quoi, faut arrêter de le cul entre deux chaises. Que dire d'autre? Après je pense que je préfère quand même la première partie du film. Ouais. Parce que sur l'île. Mais je sais pas, moi je pense que j'aime le côté jungle en fait. Bah c'est celle qui respire aussi le ouais. Plus le côté Jurassic Park. Ouais, c'est ça. Et en fait, on change complètement de ton une fois qu'on est sur le continent. Même si après, j'aime bien toute l'intrigue avec la petite fille, qui est intéressante. En plus, la gamine, elle, c'est pas une gamine conne. Mais bon, on n'a pas vu beaucoup de gamins très cons dans Jurassic, dans la franchise, en fait. Donc c'est bien. C'est non, dans le 2. Ouais. Ouais. Ouais. Et dans le 3. Le 3. Bah, il est passé. Bah, il a quand même réussi à survivre. Attends, oui, ouais, non, mais il y a sa, ah sa oui, mère, elle, oui, oui. Mais je l'ai dit, Axel, c'est le Jar Jar Binks de Jurassic oui, Park. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après, ça... oui, alors le souci du film, c'est les personnages, je pense aussi. Ouais. Bon, si Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ça évolue pas beaucoup, mais bon, du coup, ils souffrent pas forcément d'une caractérisation trop niaise. Après Lockwood, lui ça va, mais par contre, en fait, les méchants sont pas vraiment réussis, je trouve. Ils sont hyper non, caricaturaux. Ouais, pas du tout. Et tout va vite en fait aussi dans le film, je trouve. Il y a trop de Parce que c'est, enfin, quand je parle du clonage humain, ça nous est balancé comme ça, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Un peu une scène d'action en plus. Ouais. Ouais. Donc bon, je pense qu'il aurait fallu l'amener différemment, genre que ça soit ouais, découvert à travers ouais. Des documents, des trucs, tu vois, on met le doigt sur quelque chose et on se dit ah, mais c'est pas possible, ils ont pas pu faire ça, machin. Là, c'est un peu balancé comme ça. Merde, comme je sais plus comment il s'appelle, le mec là. Le mec en costard avec les lunettes qui tue, enfin, en gros, l'employé de Lockwood qui l'assassine comme ça. Ça va vite aussi. Enfin, il y a pas mal de défauts. Et en fait, il y en a justement qui ont amené ça. Et je pense que ça, c'est assez juste quand même, malgré tout. On a l'impression qu'en fait, tout est un petit peu au détriment de la mise en scène. Parce que la mise en scène, par contre, elle est impeccable tout le temps. Bayona, il sait clairement, il sait faire un cadre, il sait faire une profondeur de champ. Enfin, il y a vraiment, il maîtrise quoi, ça se sent. Et parfois, on se dit que malheureusement, c'est que la mise en scène est extra et tout ce qu'on nous présente, c'est pas très intéressant. Bah, c'est pas que c'est pas intéressant, mais enfin, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que c'est souvent raconté trop vite. Ouais. Ce qui fait que il y a des idées qui au premier abord paraissent nanardesques et puis en fait quand tu réfléchis elles le sont pas tant que ça, mais vu que dans le film elles sont pas explorées à fond, elles restent au stade d'idées à deux balles. Ouais. On a l'impression que parfois Bayona en fait il fait des scènes parce qu'il avait envie de les faire et que et que du coup elles ont pas forcément d'incidence. Ce serait que le coup de la petite qui va se réfugier dans son lit, alors effectivement c'est super cool en termes de mise en scène, mais par contre ouais, mais le fait qu'elle bouge pas pendant 5 minutes c'est un peu débile quoi. Donc du coup c'est un peu compliqué par moment. Après moi j'aime assez la direction que ça peut prendre pour la suite, sauf si pour le coup ils partent sur un Jurassic War avec des T-Rex montés par des soldats, des trucs comme ça. Moi j'ai pas envie de voir ça clairement. C'est déjà la peur qu'on avait pour celui-ci. Moi, je pensais qu'ils avaient un peu abandonné l'idée des dinosaures dans l'armée et tout. Bon, du coup, ils ne l'ont pas abandonné. Heureusement, ils l'expliquent un peu plus ici, parce qu'il faut quand même, parce que ce n'est pas une idée facile à faire passer. Je trouve ça crédible, moi. Comment ? Je trouve ça crédible, en fait. Ah, mais c'est peut-être crédible, mais c'est une idée de merde, clairement, moi, je trouve quand même. On a bien des chiens dans l'armée, donc je me dis pourquoi pas des raptors ou... Oui, mais bon, je veux dire, on n'allait pas voir Jurassic Park pour ça. Oui, mais voilà. C'est pas la même chose non plus. Après, c'est normal que ça change de ton aussi. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à pas mal de trucs un peu space dans le troisième. Parce qu'il y a des dinosaures qui ont été vendus, hein. Donc du coup, voilà. Après, Si la plupart des acheteurs sont morts. Oui, mais bon, il y en a quand même. On voit à la fin. Allosaure et tout dans un camion. Il est transporté à l'autre bout du pays. Donc, tu vois, il va bien servir à quelque chose. Hein. Ils vont pas le garder pour le mettre dans le jardin. Donc. Non. voilà. Après, là où le film fonctionne très bien, c'est surtout ce qu'est la symbolique. Oui. Moi, j'aime beaucoup le plan du T-Rex avec le lion. Avec l'inversement de la chaîne alimentaire, pour le coup. L'inversement de le roi des prédateurs, gros. Et puis... Ah, même la vitrine, quand ils sont dans le manoir et que Chris Pratt sort dans la vitrine et que l'Adoraptor est derrière. Oui, tout ça, ça fonctionne très bien. Après, comme j'ai dit, quoi, c'est que la mise en scène est top. C'est un petit peu ce qui gravite autour qui fonctionne un peu moins bien. Et pour finir, moi, j'ai carrément adoré la scène d'ouverture. Ah oui. Incroyable. Ouais, mais je crois que c'est qu'on avait vu dans la saga. C'est la meilleure. Ouais. Et en plus le film visuellement est très beau, les animatroniques fonctionnent bien. Si le film avait pu rester aussi intéressant pendant tout le long, ça aurait été génial. Et franchement, voilà, je crois que c'est bon pour moi. OK, très bien. Antoine. Eh bien, moi même constat que Katie en fait, c'est que au premier visionnage, j'étais pas déçu. Et moi, je l'ai vu deux fois, moi, je l'ai vu deux fois aussi. C'est qu'au premier visionnage, j'étais un peu mitigé, en fait. J'étais pas déçu. C'est que, en fait, au premier visionnage, J'y allais pas avec excitation de me dire oh je vais enfin le voir, j'en peux plus d'attendre. J'étais plus là en me disant Bah moi. j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait des mauvaises idées, que le film soit mauvais, tout ça. Surtout que sur Twitter, le film était un... tout le monde était pas d'accord sur le film. Donc je m'étais dit, bon, après, tu te fais ton propre avis, tu t'en fous un peu des critiques, on verra ce que ça vaut. Et en fait, tout le long du film, j'avais peur du résultat final, en fait. Et finalement, à la fin du film, j'ai pas réellement profité du film à 100% parce que j'avais quand même, j'étais un peu extérieur au film en me disant, bah ça c'est bien, ça c'est pas bien, tout ça. C'est ça. C'est ça en Et ouais, fait. voilà, On se donc. focalise, on l'analyse trop en Voilà, fait. et j'avais Et vraiment. la seconde fois, j'ai plus apprécié parce que Voilà, du coup, la deuxième fois, tu je te l'ai vu. décharges un peu de l'analyse et. Totalement, je l'ai vu. Après, bah, quand j'ai pu le revoir au deuxième visionnage, bah, finalement, je me suis dit que le film il était vraiment génial, que ça marchait, que visuellement, c'était magnifique. C'est peut-être le plus beau Jurassic Park après, bah, après le premier. Parce que visuellement, Visuellement, tu veux dire? ouais, visuellement, c'est magnifique. Enfin, il y a mise en scène, comment ils Bah, filment les dinosaures. il a la plus belle Bon, je photographie de trouve la que. franchise, je Voilà. pense. Oui. Parce que Jurassic World, ça faisait fort Aussi, artificiel, non? ça faisait fort bleu, fort les effets spéciaux, je trouvais qu'ils étaient un peu lisses. Là, Ah oui, non c'est mais une ouais, lumière très c'est naturelle clair. et. Voilà, Bah, c'est vrai que dans l'autre, oui, il y avait vraiment que l'Indominus Rex et les raptors qui étaient très crédibles. Oui. Après, c'est vrai que tous les gros herbivores, on voyait Bah, bien que c'était du CGI, la quoi. scène de la gyrosphère, par exemple, moi j'y crois à aucun moment. Tu vois que c'est que des effets spéciaux de partout, et c'est ça, c'est. Au moins, le premier Jurassic Park filmait très peu de dinosaures, mais il t'en mettait pas 50 à l'écran, ce qui fait que bah, il mettait deux animatroniques et Bah, t'y oui, croyais. dans Jurassic World, t'as l'impression qu'il y a une fonction de remplissage un Voilà. peu. Donc c'est pour ça que la scène de la gyrosphère, elle est belle, mais j'y crois pas du tout. Et c'est pour ça, genre, au deuxième visionnage, je me suis mis à adorer le film, dans les symboliques, dans la mise en scène. Les personnages, au début j'avais pas trop aimé Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans mon premier visionnage, et finalement quand je les ai revus je me suis dit bah finalement ça passe, et Il y a un ça truc passe je super trouve. cool avec qu'ils font avec Bryce Dallas Howard quand même. Et on les a je pense qu'on les a tellement fait chier pendant 3 ans Avec les où on talons. dit mais c'est pas normal qu'une fille elle arrive à distancer un T-Rex Oui. avec des talons et tout. Et la scène, en fait, en plus, ils reprennent la même scène que pour la première fois on la voit dans un Oui, en ascenseur à plus, bah, Jurassic le début World. c'est pareil en fait. Et là, en fait, ils refont la même scène et ils insistent bien sur le fait qu'elle ait des bottes. Oui. Et moi, ça m'a fait rire. Moi, j'ai trouvé que c'était Bah, c'est voilà, souvent le tout truc un régal. qu'on reproche à Fais-nous pas Jurassic chier World. avec ses talons. Ouais, c'est ça. Moi, J'ai l'impression que c'est un peu la revanche de Colin Trevorrow sur tout ce qui s'est pris dans la gueule Oui. avec le premier en fait. Que ce soit sur le fan service, que ce soit Après, sur je peux ça comprendre qu'il ait justement, sur aussi les. envie de Mais. voilà. Alors, je dis pas que ça excuse tout, hein, mais c'est vrai que enfin. Qu'on réduise un film à. Et oui, il y a une fille qui distance un T-Rex en talons. Oui. C'est Oui, non, chiant, mais quoi. c'est Et ça, débile, c'est on est super d'accord, chiant. C'est mais. un peu comme Batman versus Ouais. Superman, tout le monde Bah, disait même ça marche Justice pas. League avec Voilà, la pareil. moustache de Henry Cavill. Oui, bah, c'est ça. Oui, Mais ça, c'est c'est normal, normal, ça. mais. Enfin, on résume pas un film à Mais c'est juste vrai un que problème. c'est une grosse mode, ça, de. Tu résumes les films à des petits détails comme ça et tu occultes, en fait, tout le reste. Même si c'est bon, du coup. Ouais. Donc, je peux comprendre que là, il ait eu. Envie, parce que bon, c'est un film de Juan Antonio Bayona, mais Colin Trevorrow n'est jamais bien loin. Hein. On Bah, le ouais, il est sent, au il est au scénario, scénario, hein. Il est au scénario, avec donc producteur, tout Connery, ça, donc. et puis même moi Ouais. je trouve que dans le film, il n'est pas à la réalisation, mais tu sens qu'il est là. Hein. Enfin, il y a des idées, c'est purement du Bah, déjà, Trevorrow, la quoi. scène du. J'avais lu ça en interview, la scène du T-Rex avec le volcan derrière, déjà, c'est lui qui a eu l'idée. Quand ils avaient écrit le scénario. Mais ça, c'est cool. Ouais, c'est un joli plan, je trouve que ça marche. Et j'avais remarqué aussi un problème, c'est. Et puis ils lui ont fait un rugissement. On sent qu'elle est Ouais. vieille et tout. Ils lui ont fait un rugissement Bah, plus. cette scène, j'étais un peu déçu. On la sent fatiguée. C'est mais Bah, ouais, normal, après, c'est hein. Je normal, mais pense moi, qu'un je m'attendais T-Rex, à il a un une beau trentaine d'années. Elle rugissement. en a 25. Mais. Bah, après, la situation fait qu'elle n'allait pas non plus rugir de Ouais. façon ultra stylée non plus, avec le volcan derrière. Mais le truc. Et puis mais il y a plein de petits détails parce que quand elle rugit, le volcan explose et du coup elle secoue la Ouais, il y a tête. genre On un suppose que impact. ça On lui. voit à l'écran. On... Genre. Oui, C'est il y un a quelque souffle. chose et ça veut vraiment dire voilà, ça y est, c'est fini quoi. Le T-Rex n'est plus Oui, maître voilà. sur son île en gros. Donc il y a plein de petits trucs comme ça tout le temps dans le film et ça, je trouve que ça fonctionne Par bien. contre, je trouve qu'il y a un problème dans le film. C'est au niveau du cadre. C'est dans la seconde partie, ça marche bien parce qu'il y a les grosses barres noires en haut et en bas. Mais sauf que dans la première partie du film, je trouve ça, le format, j'ai cherché le mot. Ce que je comprenais pas. J'aime pas marquer qu'il avait changé. Le Jurassic World était beaucoup plus grand. Je trouvais que c'était du 2 sur 1, un truc comme ça. Il était plus grand et en fait, c'était un choix qui avait été fait, notamment pour la 3D. Parce qu'en fait, films, bah, ce qui est logique du coup, c'est que les films en 3D, en général, quand tu choisis un format où tu as des bandes, un peu de bandes noires, mais il en faut pas forcément beaucoup, mais du coup, tes effets 3D ressortent mieux. Et moi j'ai vu ça, alors je change complètement de truc. J'ai le Blu-ray de Ghostbusters 2016. Et en fait, je l'ai pas en. Je crois que je l'ai en 3D, mais je l'ai, j'ai pas la télé 3D moi. Mais j'ai vu du coup en 2D. Et en fait, sur le 2D, déjà, il joue de ça. Le film, il y a les barres noires, mais du coup, les effets de sortie, ils les font quand même. Ce qui fait que bah, tu as des trucs. Ah oui, comme dans. En fait, il décharge les bandes noires. Avec les poissons qui ressortaient de l'écran, tout ça. C'est ça, c'est pareil. Et du coup, sur Jurassic World, il avait usé un peu de ça, sauf qu'on ne voit pas. Enfin, il me semble pas avoir vu de. J'ai pas vu en 3D. Jurassic World avait un cadre qui était pas. Avait un format qui était pas. Oui, il était vachement grand. Ouais, c'est le 2 sur 1, il n'est pas souvent utilisé. J'avais vu. Mais je trouve là ça marche bien pour un petit espace dans la deuxième partie parce que c'est des endroits assez confinés avec le dinosaure qui court après les personnages. Je trouve que ça marche. Mais dans la première partie, il pourrait avoir des grands espaces, profiter de l'écran, tout ça. Quand il y a des plans. Mais là, vu qu'il y a les barres noires, on profite pas tellement. En fait. Je trouve que c'est dommage aussi par rapport à ça. C'est comme si c'était compressé en fait. Ouais. Peut-être. J'ai pas trop fait gaffe, mais oui. Et par contre aussi, rajouter un petit truc aussi, c'est que je me souviens à l'époque, Colin Trevorrow avait dit qu'il y aurait plus d'hybrides dans la saga. Il y en aura plus, normalement, plus dans le 3. Faudrait pas qu'il le remette dans le 3, parce que là, ce serait vraiment faire exprès. Voilà, normalement, il y en a plus dans le 3, parce que, en fait, Il s'est barré encore. Il a marché dessus. Il s'est pas barré avec l'os. Ah, en fait, c'est Eli Miles qui part avec l'os. T-Rex, il marche dessus. Le dinosaure s'échappe, donc du coup, sa voiture, elle est fracassée. Et lui, il se fait bouffer par le T-Rex. Et le T-Rex marche sur l'os. Donc du coup, ils ont plus d'ADN d'Indominus Rex. À moins de. Après, on voit Henri Yu qui vole des espèces d'ADN. Il y a toujours des moyens. Mais. Oui, des mallettes, et même il dit c'était Franklin, c'est comme ça qu'il s'appelle le personnage secondaire, l'informaticien. Oui, voilà. Ah, le geek, là Il lui dit qu'il doit aller chercher plus quoi pour l'ADN, et on le revoit encore se barrer. Ouais. Donc c'est possible qu'il y ait encore de l'ADN, mais franchement, ce serait vraiment faire exprès, quoi. Est-ce qu'ils peuvent pas utiliser celui de Blue, parce qu'il a été transfusé avec du T-Rex? Mais par contre, je préfère la Dominus. Parce que l'Indominus, il a encore ce côté très animal, dinosaure, alors que là, l'Indoraptor, ça fait beaucoup plus arme. Oui, et en fait, moi, au départ, j'aimais pas trop non plus. Bon, je préfère l'Indominus Rex, mais je trouve que l'Indoraptor a quand même une... Ça m'a fait penser au Loup-Garou de Londres. Bah, déjà, avec le plan de la Lune. Il est vrai, il en fait vraiment un espèce de monstre. Et ça, on sait que Bayona, il aime filmer les monstres. Un peu comme Guillermo del Toro. Et c'est vrai qu'il joue vachement là-dessus. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais l'Indoraptor, il est. Des fois il bouge bizarrement, tout ça. Il a des. Oui, il a la tête qui. Alors c'est. Ils le disent qu'il n'est pas fini de toute façon. C'est pas le côté animatronique. Ouais. Il est. Oui, c'est ça, c'est un prototype. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent. Il y a des moments, la griffe. Oui. Qui tape beaucoup. Alors au départ, on se dit c'est une référence au premier, mais non, elle tape trop pour que ça soit une référence. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et oui, il a des mouvements de tête. Même au niveau de ses espèces de poils qui bougent des fois un peu bizarrement. Il a ses protoplumes qui bougent. Il perd des écailles. Donc on sent vraiment que c'est une bestiole. Il y a une scène aussi que j'ai bien aimée. C'est un moment, tu vois l'Indoraptor qui monte sur le crâne du Triceratops. Et avec ses deux pattes, il le prend vraiment comme si c'était un roi. Et il y a plein de scènes comme ça. Faudrait que je retrouve la scène. Je sais pas si elle sera sur YouTube ou quoi. Ouais, genre il la Un tient, mais roi. vraiment avec ses deux mains, il tient les deux cornes, et t'as vraiment l'impression que c'est un roi sur son trône. Ah Et oui, il y a je plein de scènes comprends. comme ça, et je trouve que c'est vachement. Bah, Bayona, il s'est vraiment éclaté là-dessus, je trouve. Et l'introduction est géniale. Ouais, Bah c'est disons clair. que c'est vrai que l'Indoraptor, il est vraiment. C'est vrai, il est vraiment. Par exemple, tu prends le raptor, enfin les raptors dans les films sont très Oui. intelligents, mais ça reste des animaux. Là, il a vraiment, il a quasiment des comportements humains en fait par moment. Ouais. J'espère que ça veut pas dire qu'il lui fout de l'ADN Ouais, c'est... humain Non. aussi. J'espère qu'on n'aura pas Non. des trucs comme ça dans le 3. Non, mais il y avait des idées comme ça pour Jurassic Non, Park le 3. 4. Donc oui, Oui, enfin ouais. oui, après le 3, ouais. Ouais. Et ça avait été Heureusement. abandonné et tout, mais bon, c'est toujours dans les tiroirs à Universal. Donc j'espère que ils iront pas dans des conneries comme ça. Enfin, moi clairement, c'est vrai. Enfin, moi je pense que là, si clairement, et Colin Trevorrow a évoqué l'idée, lui il Ouf, trouverait ça non. super cool. Je l'ai lu dans une C'est pas interview. cool. Il trouverait ça super cool qu'un soldat monte sur le dos d'un T-Rex, mais Non, non, c'est ça pas c'est cool, hors de c'est question. stupide. Mais il était pas sûr que ça puisse se faire, et que est-ce que ce serait dans cette saga-là que ça aurait sa Ou pas place? du Alors tout. clairement non. Moi je te le dis, Dans un ça n'a Terra pas sa Nova, ça me place dans dérange cette pas, mais pas saga-là. dans un Jurassic Park. Oui. Donc moi clairement, s'il part Ouais. dans des délires comme ça, je pense C'est que qu'il là le par fait contre, exprès. non. Moi je ferai plus Il le d'efforts, fait je exprès d'être défendrai plus. détesté, là, c'est... Là, clairement, c'est chercher la petite bête là. Ok. Antoine, t'as Non, quelque chose à juste rajouter du coup? l'introduction est géniale. Pour moi, c'est la meilleure qu'on ait pu voir dans la Ouais. licence. En plus de ça, c'est la première fois qu'on voit ça dans les films Jurassic Park, qui est vraiment une animation autour du logo, avec la lave, tout ça. Ah oui, Je trouve oui. Ouais, je que sais c'est pas si bien. c'était. Oui, c'est... Oui, le logo est pas Si, si. vilain, mais je suis. Bon, après, oui. Bah, c'est original. Non, Ça rajoute un enfin, petit ouais, truc. c'est vrai. Ouais, j'avais pas trop. Enfin, enfin, si, j'avais remarqué, mais c'est Non, vrai que c'était maintenant que juste j'y le nom repense, du et les film et autres n'étaient basta. pas animés, donc. Si la Ouais. musique de Michael Giacchino m'a un peu moins Il marqué que y a des musiques qui sont sur géniales. l'autre. Ah Un petit bon? peu moins, ouais. Dans le nouveau Jurassic World. Mais il y a des musiques, elles sont totalement anecdotiques, on va dire. Ouais, en fait, ça te prend par surprise parfois, Ouais, quand, par c'est. exemple, la scène sur le toit. C'est la musique Tu sens là, de la d'un coup, je me puissance, suis dit, ouais, oh punaise, voilà. il y a de la musique et c'est génial. Mais ouais, mais c'est parce qu'en fait, Ils enfin, utilisent beaucoup les Giacchino, chœurs, plus que dans. les chœurs, voilà, c'est ce que. Plus que dans Il les y en avait autres. Ouais, déjà, hein, il y il en y en avait avait dans déjà Jurassic World aussi. dans. Enfin, Même c'est la sa scène marque de fabrique de d'intro toute façon, aussi. les chœurs, il y en a Et il partout et tout reprend ça. du coup Toute il sa... reprend le thème Oui, où c'est on les découvre musiques. Jurassic World dans le premier film, avec Main Street et tout. Et il reprend ce thème-là quand ils sont sur Main Street et que bah, tout est ravagé. Donc c'est assez joli. Mais c'est vrai que ça m'a un Bah peu moins j'ai marqué. le début était bien. Mais en fait, c'est un peu ce constat-là que j'ai avec tout le film. En fait, c'est qu'il m'a un peu moins marqué que l'autre. Ah moi c'est plutôt le contraire. Même Ouais. si, même C'est si parce que objectivement, c'était. finalement, il Oui. prend plus de risques que l'autre, en Bah, fait. c'est ça, c'est que. Je trouve qu'on peut faire la. Bah, devrait Ouais, pas, mais faire la je vois. comparaison avec Star Wars. C'est que Jurassic World et Star Wars 7 proposaient pas quelque chose d'original, mais quelque chose qui plaisait aux gens. Pour que finalement, dans Star Wars 8, bah on chamboule complètement les codes de Star Wars et ça a pas plu du tout. Alors que pour le coup, Star Wars 8 Ah, m'a moi plus aussi. marqué Moi, que Star Star Wars Wars 7, 7. j'aime pas du tout, mais Star Wars 8, au lieu, au moins, m'a proposé quelque chose d'original et neuf. Et là, je trouve que c'est pareil pour Jurassic World. Enfin, moi, de ma vie, jamais j'aurais pensé voir dans un Jurassic Park des moments horrifiques, des trucs très gothiques, des trucs vraiment avec des filmés comme si c'était des monstres. Enfin, moi, je trouve que c'est très original dans Jurassic World de Fallen Kingdom et même dans la licence Jurassic Park. Et je trouve que le choix de Bayona est totalement justifié et génial. Après, il y a des moments, il est assez proche de Spielberg. Moi, enfin, on repense beaucoup la scène dans le musée où il se cache parmi les fossiles et tout. Ça m'a fait penser Oui. à la scène de la cuisine dans le premier. Il y a plein de petits trucs comme ça. C'est assez proche. Ouais, Même c'est le clair. coup Ouais, du il y en jeu a énormément dans le d'ombre, film. pareil, tu penses un peu au premier ou. Déjà, au tout début avec le T-Rex, avec l'éclair. Ouais, Totalement ouais. génial. Enfin, la traduction, elle est Ouais. Ah non, mais elle est vachement Alors c'est exceptionnelle. Celle génial. sous Ça, la pluie, là, c'est elle est génial. vachement. Alors, il y en a qui disent que j'ai lu ça. J'ai lu ça sur Jurassic World News France, la page Facebook. Alors, apparemment, le bassin du Mosasaur, il serait pas au même Oui, il endroit paraît dans que le c'est pas premier du tout film. genre avec la mer, tout ça. Oh Parce punaise, mais alors qu'apparemment, en fait, ça. quand la porte Oui? s'ouvre, il s'en va directement dans l'océan. Donc, j'ai pas. Alors ça, faut avoir vu le film 4-5 fois pour le trouver, ça. Franchement, c'est des petits détails. Après, il y a peut-être déjà connaître. Il faut déjà connaître le dans l'autre. Topographie. Oui, après c'est du détail. Ouais. Bon, ça c'était vraiment des détails. C'est pour les hardcore fans, là, c'est vraiment pas. ok. Donc, Morgan, toi, qu'as-tu pensé de ce Jurassic World ? T'es bien, au revoir. Ouais, parfait. Allez, donc moi, ouais, pas top, hein, franchement. Bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé. Moi je suis quand même assez surpris qu'Edine soit pas plus dithyrambique que ça, et même Antoine d'ailleurs. Moi ça a été vraiment une séance que j'ai adorée. Alors je l'ai vu qu'une fois. Peut-être falloir que je le revoie une deuxième fois, mais en tout cas, ce qui m'a fait plaisir dans ce film-là, que j'ai évidemment préféré au film de Trevorrow, c'est que je. En voyant ce film-là, de la première à la dernière seconde, je me suis dit, on est dans un film de Bayona. Avec tout ce que ça implique. Alors c'est moi, je suis pas un grand fan de Bayona, désolé Antoine. Je trouve que, voilà, c'est pas grave. Bon, j'ai beaucoup aimé Quelques Minutes Après Minuit, même si je trouve qu'on en... Voilà, c'est peut-être un peu surestimé. Je n'aime pas du tout The Impossible. Je l'ai revu, je l'avais vu au cinéma. Il était passé sur la 2. Il est repassé à la télé il y a quelques mois. Sur la 2, ouais, franchement, j'ai pas. Non, à part la scène d'intro, ouais. Voilà. D'ailleurs, il fait des magnifiques scènes d'intro, Bayona. C'est vrai, hein. C'est vrai. Il devrait faire que ça. Il devrait faire des courts-métrages, en fait. Ou des bandes annonces. Mais. Non, en revanche, j'ai adoré L'Orphelinat aussi. Voilà, parce qu'on oublie souvent de le mentionner, celui-là, mais L'Orphelinat est un film excellent. Exceptionnel, je pense. Excellent. Bah, en fait, c'est le problème que j'ai avec ce film. Pour moi, c'est le Jurassic World, c'est son meilleur film. Non. Parce que je trouve que il a fait quelque chose. Surcuchy. Je trouve que c'est fight. C'est un de ses meilleurs, mais tu préfères The Impossible. Ah, j'irai pas jusque là, non. Ah bon. Ah, quand même. Et je pense que son meilleur, c'est Quelques Minutes Après Minuit. Oui. Objectivement, c'est son meilleur. Subjectivement, c'est Jurassic World pour moi. Objectivement, voilà, mais encore, j'en parlais de Sans un bruit, c'est des films qui ont été un peu baignés dans la hype et tout. Et puis tu vas voir ça en disant, il faut que j'aime parce que sinon je vais avoir tout un tas de cinéphiles à la sortie qui vont m'attendre avec un surin pour me trucider. Ou avec bien. Des barres de fer. Voilà, du coup, j'étais lâché. Ouais, c'était bien, mais voilà quoi. Voilà, j'avais vu Primaire la même journée, j'avais préféré Primaire. Non, j'abuse un peu. Mais il était très bien, Primaire. Il était très bien. Bon. Alors, en tout cas, Jurassic World 2, voilà, moi, ce qui m'a plu, c'est déjà dans la continuité, je l'ai trouvé assez logique, assez cohérent. Mais ce que j'aime avant tout dans les suites de films, au même titre qu'un certain Star Wars 8 qui a été pas mal décrié, c'est qu'il propose quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'il réinvente quelque chose. Il ne fait pas que du fanservice. Il propose quelque chose. On aime ou on n'aime pas, mais au moins le film a le mérite de proposer quelque chose qui fait débat, mais qui en tout cas amplifie, j'ai envie de dire, une mythologie qui est déjà bien ancrée. Parce que c'est vrai que la mythologie Jurassic Park, ça va faire depuis les années 90 qu'on en bouffe, même s'il y a eu un petit moment de creux, un long moment de creux. Et je trouve qu'il s'en sort avec tous les honneurs, et c'est surtout qu'il fait le cinéma, qu'il fait son cinéma à c'est lui. Colin Trevorrow. Alors encore. Évidemment, il y a des défauts, mais ce sont des défauts scénaristiques. Enfin, et c'est Colin Trevorrow, je pense, qui est derrière tout oui. ça. Moi, j'appelle pas ça. Et encore, je vais même pas dire que c'est des défauts parce qu'ils m'ont pas du tout dérangé au visionnage. Je trouve le film parfait en matière de rythme. Ça dure 2 heures. J'ai pas regardé l'heure parfait. Une seule fois. Ah oui, j'ai pas regardé l'heure une seule fois. J'avais les yeux scotchés sur l'écran pendant 2 heures. Et à chaque fois, enfin, en général, sur 10 films, 7 fois sur 10, je regarde l'heure. Au bout d'un moment, même s'il reste 10 minutes, un quart d'heure, je regarde toujours l'heure à un moment donné. Et là, franchement, j'étais déjà dès la scène d'intro, j'ai compris, je me suis dit, ok, d'accord. Là, on est dans une pure scène horrifique, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du spectaculaire et de l'horreur. S'il la joue comme ça durant tout le film, ok. Après, je trouve que il y a quelque chose que j'avais jamais eu, même avec le premier Jurassic Park, c'est l'émotion. J'ai été ému pour la première fois devant un Jurassic Park. Alors oui, le premier Jurassic Park, c'est assez émouvant, la scène, la fameuse scène d'intro, triste. Vous voyez, où, voilà. Wow. Mais c'est pas de l'émotion, on va dire, c'est pas lacrymal, quoi. C'est pas. Ah si. Moi, je trouve ça triste, je trouve ça beau. Là, la scène. Ouais, Brachiosaur. C'est quoi le nom du dino là? Brachiosaur. Braqueuseur. Parce que le Diplodocus n'a pas du tout cette gueule-là, Oriane. Oui, j'allais dire Diplodocus. Oui, mais je m'y connais pas. En plus, tout à l'heure, Axel, il dit c'est mon dinosaure préféré. J'adore. Bah, oui, c'est vrai. Personne, mon dinosaure préféré, c'est Brigitte Macron. Je plaisante. T'as enfin sorti une bonne blague pendant tout cet épisode. Oui, mais je vais avoir tous les féministes qui vont. Voilà, je vais avoir Marlène Schiappa qui va m'envoyer un mail, tu vas voir. Mais écoute pas cette émission. Grand ami d'Eddie. Elle est détestable. Non, je la déteste. Moi aussi. Bref, c'est pas le sujet, mais je voilà, elle a quelque chose. Fais gaffe à ce que tu dis. Profondément. Oui, excusez-moi, je suis pas très au fait sur le nom des dinosaures. Mais en tout cas, cette scène-là est magnifique. Et franchement, j'ai été ému aux larmes, ce qui ne m'était jamais arrivé devant Jurassic Park et même devant Jurassic World. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et j'ai retrouvé vraiment toutes les thématiques de Bayona. C'est-à-dire que Bayona, il aime parler du deuil, il aime parler de la famille, il aime parler aussi de la transmission. Et je trouve que toutes les thématiques qu'on voit dans tous ces films, bah en fait, hop, il les met toutes ici. Et The Impossible, que je n'aime pas, enfin voilà, c'est un film, subjectivement, j'aime pas du tout ce film-là, mais en tout cas, il a un sens du spectaculaire. C'est pour ça que je peux pas détester la scène du tsunami, qui est juste un moment d'anthologie énorme. Je trouve qu'on retrouve ce sens même du grand spectacle, du grand frisson dans ce film-là, avec toutes les thématiques qu'il y a. Et c'est un film qui pousse énormément sur sa symbolique. Là, on en parlait. Hein. Moi, je trouve que le côté hybride avec la scène de l'hybride qui se reflète sur le visage de la fille. Je trouve que ça, c'est tout con, mais je me suis dit, ok, là, à travers ce plan-là, c'est un plan qui est très évocateur. Et je trouve que le film, à plusieurs moments, voilà, et à des plans comme ça qui m'ont fait un peu tilter, qui m'ont fait comprendre que c'était pas là par hasard, qu'il y avait vraiment une vraie recherche, une vraie créativité. Et à l'heure où les blockbusters sont un tout petit peu donnés dans des mains de faiseurs, bah, je trouve que là, ça fait du bien de voir un blockbuster assez épique à sa manière, ultime, émouvant, spectaculaire, profond, puissant. Dans les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, même s'il y a un peu Trevorrow qui est là, qui il fait un petit peu trébucher de temps en temps. C'est vrai qu'avec le recul, il y a quelques trucs qui sont un petit peu dérangeants. Mais dans les grosses lignes, je trouve qu'il s'en sort très bien et ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des créateurs qui peuvent être des grands chefs d'orchestre sur des grosses machines comme ça. Imposer son style, voilà, ses thématiques et tout. Ok, c'est tout. Je suis pas très long. D'accord. Okay. Si on m'avait dit que dans le podcast sur Jurassic World Fallen Kingdom, ce serait Morgan le plus enthousiaste. Non, j'aurais jamais parié là-dessus. Clairement. Bref. Donc, alors, moi, je l'attendais pas plus que ça. J'avais un peu peur aussi, comme Antoine, à l'idée d'aller le voir. Mais bon, je suis quand même allé le voir 2-3 semaines après la tempête, donc, après qu'il soit sorti. Donc du coup, le calme, c'était un peu revenu, on va dire. Donc, au niveau de la réalisation, pour moi, c'est vraiment, comme on l'a dit, hein, c'est le point fort du film, clairement. C'est ce qui sauve un peu le film, vraiment. Je trouve qu'il est quand même plus à l'aise et plus créatif dans les environnements sombres et restreints, comme le début sur Isla Nublar, qui est génial, on l'a répété déjà, le manoir Lockwood, alors que dans les grands environnements d'Isla Nublar, avec les scènes de volcans, etc., on le sent pas très inspiré, en fait, on le sent pas... J'ai l'impression que la partie Isla Nublar, c'est Trevorrow, et la partie manoir, c'est Ça fait très générique, en fait. Manoir. La partie Isla Nublar, ça fait extrêmement générique, ça fait c'est des plans qu'on a déjà vu 3000 fois, enfin bref, il y a aucune inventivité, quoi. Je trouve, en tout cas. Sauf bien sûr la première partie, enfin le début. Je trouve aussi, comme on disait, en fait, c'est Juan Antonio Bayona qui s'éclate. On dirait qu'il fait un peu son portfolio, tu sais, il montre ce qu'il peut faire pour son futur, quoi, alors que à Hollywood plutôt, parce que il sait très bien manier sa caméra, il sait très bien y faire, mais voilà. Je trouve aussi que la lumière dans les environnements sombres, comme on l'a dit, avec les ombres et tout ça, c'est super bien géré. C'est vraiment super beau. J'irais pas à dire que c'est la plus belle lumière. Moi, pour moi, vraiment, mon cœur reste sur Jurassic Park premier du nom. Je trouve parfait là sur ce point, surtout dans les environnements de nuit aussi. Mais Bayona, et quasi, enfin vraiment un tout petit peu en dessous, quoi, mais vraiment un iota de Spielberg sur ce point-là. La tension, on en parlait un petit peu aussi. Je trouve qu'il a une très bonne maîtrise de la tension. Et la scène de la gyrosphère dans l'eau, elle est assez. Ouais. Surtout en plan séquence. Ouais, en plus, ouais. Ouais. C'est la tension est vraiment bien maîtrisée, bien. Enfin voilà. Moi, je la trouve incroyable cette scène parce que tout en plan séquence, t'as l'action qui se passe dans la gyrosphère, mais en même temps, t'as tous les dinosaures qui sont en train de couler à côté, mais en même temps, t'as le volcan qui est en train d'exploser, et en même temps, t'as Chris Pratt à côté. Ouais. Enfin, il y a plein de détails, il y a plein de trucs sur ton plan séquence. Tu te dis, mais comment ils ont pu tourner ça? Et franchement, je trouve que cette scène, c'est peut-être l'une des meilleures et l'une des plus marquantes, je trouve, du film. Ouais, clairement. Bien sûr, je suis obligé de comparer avec Jurassic Park. Hein. pour moi, elles sont géniales, ces scènes, mais ça égale pas non plus le niveau de tension, par exemple, qu'il y avait avec la clôture électrique dans Jurassic Park, ou. Ou même la cuisine. Mais la où est la cuisine. Chèvre? Voilà. Non, mais la clôture électrique, genre, enfin, voilà, c'est vraiment un moment pour moi de tension ultime, dans l'histoire du cinéma, clairement. Et, oui, mais tu vois les câbles qui s'en vont un par un. Non, mais c'est. Voilà. En plus, il y a des gamins sur des trucs électriques. Enfin, vraiment, c'est vraiment tout Ah oui, cette scène-là, toi, tu parles. Non. Oui, je parle quand ils essayent de s'échapper. Ah oui. Ah, moi je croyais. Je pensais à la scène du T-Rex où tu vois les câbles tomber un par un. Celle-ci aussi, hein, tu vois. Celle-ci aussi. Ah oui, toi tu parles de la scène où, Tim se fait. Se prend pour un toast. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est. Pour parler de la tension. Les animatroniques, enfin. Alors que Colin Trevorrow nous avait fait des fausses promesses. Oui, on aura au moins 50% d'animatronique pour Jurassic World. voilà, c'est ça. La patosaure au sol, c'est tout. C'est une ça. Tête d'apatosaure. Voilà, c'est ça. Et encore, c'est même pas un corps, c'est juste ouais, le cou. C'est juste le cou et la tête, ouais. Donc voilà, on a enfin les animatroniques. Si, elle est d'Aptor aussi. Oui. Ouais, mais ça, c'est plus pour les effets spéciaux après, je crois. Ils ont utilisé des animatroniques. Ils les ont remplacés par des CGI, quoi, franchement. Bref. Quand tu vois le prix que ça coûte un animatronique. Ouais, voilà. Non, franchement, c'est d'une débilité sans nom. Donc, du coup, on a enfin un mélange vraiment seamless. Enfin, vraiment, on ne s'en rend pas compte de ce qui est CGI ou animatronique. Moi, je trouve que la scène avec le T-Rex dans le camion, ouais. Il y a les deux. Ouais, et tu t'en rends pas compte. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte du tout. Ouais, Et l'animatronique, il est même pas saccadé ou rien, quoi. Et pourtant, Rita Lassoward, elle est dessus. Donc, elle est pas bien grosse, mais bon, elle fait bien 60 kilos. Oui, c'est quand même de l'électronique, quoi. Donc, c'est pas. C'est de l'orfèvrerie, hein, un animatronique. Ouais. C'est, Et justement, pour comparer avec Jurassic World, dans cette scène-là où. Le T-Rex est à la fois en animatronique et en CGI. C'est vrai que là, on voit pas la différence. Alors que par contre, c'est vrai que dans l'autre, on le voyait clairement. On le voyait bien. Ah, la scène se voyait, mais dans les muselières, là, on voit, on sent que oui, effectivement, c'est plus. Il y a de l'animatronique, mais par contre, le rendu de la peau ne fait pas vrai. Ouais. Mais on voit que c'est de l'animatronique parce qu'ils arrivent à les toucher. Chose qui paraîtrait moins crédible avec un truc complètement CGI. Ouais, c'est clair. Preuve donc que voilà. Trevorrow, quand il veut, il peut. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, je pense que c'est un vrai souci, c'est que Trevorrow, en fait, quand il veut, il peut. Mais il est un peu fainéant, j'ai l'impression. Je sais pas. Je sais même pas si c'est de la fainéantise. C'est des problèmes de budget, mais en même temps, il a réussi à trouver le budget pour celui-là, pour les animatroniques, donc c'est clairement qu'il... Parce que le petit film qu'il a fait, The Book of Henry, il était très bien. C'est cassé la gueule aussi. Il s'est cassé la gueule, mais pourtant il est bien. Et là, je me suis dit, en fait, c'est un peu comme Safety Not Granted, quoi. Quand il fait ses petits films, il est bien. Quand il a envie, il est capable. Mais je sens qu'il est pas passionné cette saga, en fait. Bah, pourtant, c'est vraiment c'est pas ce qu'il dit, mais bon. Ouais, mais tu le ressens, quoi. Enfin, même pour Jurassic World, que j'ai beaucoup aimé, Et on sentait qu'il est fan, il est plus fan de Spielberg que de Jurassic Park. Oui, je sens. Peut-être, oui. Donc voilà, non, ça se sent, mais je sais pas pourquoi il. Enfin, après, c'est parce qu'il s'est fait virer de Star Wars, du coup, il a dû reprendre. Il a enfin, chômage, dit, donc, ouais. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi il s'est embourbé dans une trilogie directement. Ça me paraît un peu. Tu vois, qu'il doit chapeauter directement une trilogie. De toute façon, s'il fait pas. Dit, hein, il est plus sur Star Wars, donc de toute façon, s'il fait pas Jurassic World 3, il fera plus rien de sa vie. Hein. C'est ça. sa carrière, elle est finie. Ouais. Non, il fera le remake, il fera le reboot de Retour vers le futur. Vous allez non, mais ne parle pas de malheur, s'il te plaît. Ne parle. C'est illégal, ça. Ouais. Vraiment. Totalement donné son désaccord. Donc, ouais, non, mais tant qu'il est vivant. Tant qu'il sera vivant, de toute façon, normalement, ils ne peuvent pas y toucher. Voilà, mais bon, on sait que malheureusement, il n'est pas éternel. Oui, donc voilà, ce que je voulais dire principalement sur la réalisation, c'est que je suis vraiment très content déjà qu'il y ait plus d'animatronique. C'est ce qu'on demandait, c'est ce que les fans demandaient, c'est ce que j'attendais personnellement beaucoup, parce que voilà, je suis très fan du premier, et du coup c'est ce qu'il avait très bien réussi à faire en 93, et je comprenais pas qu'en 2015 on n'arrive pas à le faire, ce qu'on faisait très bien en 93, avec des ordinateurs qui tournaient... enfin vraiment 5000 fois plus lentement que ce qu'on a actuellement, donc. Dans Jurassic World je sais pas à quel moment il aurait pu mettre plus d'animatroniques parce que c'est beaucoup de plans larges, c'est beaucoup de scènes très rapides, des dinosaures qui vont très vite, donc je sais pas s'il y aurait eu quand même plus de scènes en animatronique. Oui, mais alors du coup dans ce cas là on nous promet pas des animatroniques, tu vois. Ah oui, ça c'est vrai, voilà. S'il a dit, enfin, s'il avait dit dès le début, bon ben, on a été obligé parce que de faire que des CGI, parce que ou quasiment que des CGI. Le budget ou alors parce que le scénario le voulait comme ça, la 3D. Enfin bref, il y a plein de raisons. Mais quand on nous promet des animatroniques et qu'on délivre pas, enfin quand on voit le film, c'est bâclé pour moi. Donc voilà. J'ai l'impression que j'aurais dit beaucoup de choses, mais. Et finalement, il le fait quand même. Par exemple, l'histoire des hybrides, il l'avait quand même dit, il l'avait affirmé, il avait dit non, il n'y en aura pas pour le 2. Finalement, mais moi, j'ai pas entendu ça. Raptor, donc... ben, moi, je me souviens d'un article sur Allociné, il faudrait que j'aille vérifier ça. Mais qu'il avait vraiment vérifié. Il avait vraiment affirmé. Ça s'est sûrement sorti aux États-Unis, puis il y a eu l'antivillé après. Donc, tu sais, Allociné. Ouais. Désolé, Vincent. Mais... Ah oui, non, mais moi, ça me gaffe, quoi. Notre site de référence ciné en France, ils sont même pas foutus de sortir les trucs en même temps que. Tu sais toutes les nouvelles avant qu'ils t'en parlent, ça m'énerve. Mais c'est vrai. Ouais, non, mais bon. Enfin, bref. Attends, je vais chercher en même temps. Donc, voilà. Moi, je voulais continuer sur le point qui, pour moi, fait vraiment défaut au film, c'est le scénario. On va dire, déjà, je vais dire d'abord les qualités, c'est que pour moi, l'histoire, elle est plutôt intéressante à suivre. J'ai passé un agréable moment dans le ciné. J'ai pas trop regardé l'heure, même si je l'ai fait quand même, plus que dans certains films. Hein, mais voilà. Mais je trouve quand même qu'il y a un certain ventre mou au milieu du film, dans la scène, entre la scène où ils quittent l'île et la scène où ils arrivent dans le manoir, la scène du bateau, je trouve qu'il y a. C'est clairement un ventre mou et on s'ennuie un petit peu. Ça, c'est que mon avis. Je trouve pas si long que ça, moi, la scène sur le bateau. Ouais, moi je l'ai trouvé quand même. Enfin, je me suis quand même un peu ennuyé pendant toute cette scène, donc. J'ai pas J'avoue qu'elle est pas très intéressante. Tu vois, c'est pas le truc qu'on retient le plus. Hein. C'est la scène, enfin oui, à la transfusion du T-Rex, quoi. C'est un peu une transition en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Morgan, si, tu fais grand. Parmi les personnages nouveaux que j'ai bien aimés, moi, il y a la vétérinaire. Oui. Non. Bon, j'ai bien aimé. Écoute, c'est vrai que, bon, forcément, malheureusement, elle est pas hyper exploitée et approfondie, mais je trouve qu'elle est. Elle est très intéressante. Elle est assez cool quand même. Bah, c'est quand même le personnage de Charlie Chaplin. Géraldine Chaplin, pardon. Moi, j'aime beaucoup son personnage. Il est un peu fou, il est un peu inutile en soi, mais je l'ai quand même aimé. Et là, quand je parlais qu'on était vraiment dans un film de Bayona, Géraldine Chaplin, on la voit dans l'orphelinat, ouais, il me semble. On la voit pas dans tous ses films. Dans tous ses films aussi. Oui, oui, parce que... Ouais, dans The Impossible, c'est elle qui joue la vague en motion capture, vous voyez. Donc... N'importe quoi. elle s'est très bien mimé l'eau, Gérald. Bah oui, elle est comme son père, c'est un trou du mime. Donc, bah, Yone, il a dit, hey, quand la femme, tu me fais l'eau. Elle a fait l'eau. Du coup... Comment on tournait là-dessus? Oui, non, moi. Tu parlais d'un ventre mou. Ouais, voilà, il y a un certain ventre mou, mais bon, ça, c'est pas grave. Le fait, en fait, moi, ce qui m'a posé aussi souci, c'est que si on avait vu. Enfin, si on a vu les bandes annonces, même une seule, c'était clairement dit que les personnages principaux, donc Owen et Vrassa Dallas Howard, je sais plus le nom, allait se faire trahir par le méchant. Et ah oui, mais la, ouais, mais la promo a complètement tout vendu. Ouais. Alors honnêtement, moi j'ai vu la bande annonce, parce que moi les bandes annonces je les retiens pas en fait. Ouais, non, mais... Je les vois, je suis c'est trop bien, puis en fait je les retiens pas. Et puis même ça, mais c'est bien de la chance. C'était évident. Mais, ouais, mais c'est évident. Mais oui, c'est... À part Tree of Life, mais c'était évident, hein, franchement, que bah, voilà, oui. C'était. Il y a un côté un peu manichéen qui est totalement logique. Enfin, l'autre il est sur le point de mourir. Tu sais très bien que l'autre c'est un véreux qui va vouloir profiter. C'est évident. Mm-hmm. Mais puis ce serait bien trop foiré quand même. Qu'il les emmène. Oui, non, dans mais un voilà quoi, c'est vraiment. Je trouve que c'est un peu. Ça ralentit pas mal le film quand même, voilà. Ah, moi c'est la fin, moi. Oui, on parlait de défaut, moi c'est la fin. Tu vas peut-être en parler. La fin non. Ouais, la fin, je me suis dit, tiens, il ose, et puis en fait, non. Bah, on peut spoiler ou pas oui, qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure? Ah, oui, non, mais je pensais que. Ouais. Oui, c'est vrai. la fin m'a moi, dérangé, c'est mais. C'est vraiment qu'elle allait laisser. Je pensais qu'elle allait laisser les dinosaures mourir. Ouais, voilà. Je me suis dit, ah, il ose quand même, quoi. Puis en fait, non, rattraper. Mais. En même temps, c'était évident, c'est pour amener. Oui. S'il n'y a plus de dinosaures, pourquoi il y aurait un autre troisième Jurassic Park? Bah oui. Ouais, c'est... Bah oui. Bah oui, mais c'est. Mais ils peuvent en créer d'autres, j'en sais rien, moi. Ouais. Ils peuvent... voilà. C'est nul. Ah non, non. J'ai vu, ils mélangent deux flacons et puis voilà. Des dinosaures. Ouais, mais parce bon, qu'ils essayent de faire une espèce d'univers étendu, ils t'expliquent ce qui s'est passé entre Jurassic Park 3 et Jurassic World. Et il y a eu des lois comme quoi ils n'avaient plus le droit de créer des dinosaures et que finalement le spinosaure ce serait une espèce illégale, tout des trucs comme ça. Ouais, les moi c'est vraiment. 3, oui. Oui, c'est pour ça que c'était le seul de l'île. Ouais. Non, mais ouais, moi c'est vraiment la question que je me pose, c'est où est le gouvernement pendant tout ça? Parce que vraiment. Ouais, en fait, il y a personne Techniquement, en fait, depuis le premier film, ils ont. Enfin, les généticiens ont toujours travaillé dans l'ombre, en fait, du gouvernement. Ce qu'on nous explique, c'est que quand ils ont réussi à ramener les dinosaures à la vie, c'était un projet secret. Et à partir du moment où ça a été concluant, c'est là que ça a été rendu public, mais Isla Nublar, après l'incident de Jurassic Park, techniquement, ça a toujours été placé sous surveillance. Et en fait, pourquoi on a été amené à en parler, c'est parce que à la suite du deuxième film, en fait, il y a du tourisme illégal qui se serait fait autour de l'île, étant donné qu'il y a des gens qui ont vu un T-Rex à San Diego, en fait. Oui, ouais. Donc en fait, le gouvernement est au courant. Gère le truc en mettant les îles sous surveillance et en restriction, mais après tout est possible quand même, quoi. Ouais, ouais. Sinon, mais enfin, oui, non, mais pour moi, déjà le fait que des humains soient assez cons pour retourner sur l'île, c'est d'une débilité sans nom. Moi, je pense pas. Moi, je trouve pas ça con parce que je sais pas si vous avez vu là, il y a des braconniers qui se sont fait manger par des lions dernièrement. Oui, c'était cool. D'accord. Bon, en fait, c'était des braconniers qui allaient chasser le rhinocéros. Sauf que quand on dit braconnier, oui, non, mais moi, je suis totalement contre le braconnage, évidemment. Mais en fait, c'est les gens qui se sont fait bouffer, c'est des gens qui ont été payés par des industriels chinois. Donc, c'est des gens du pays qui crèvent la dalle et tout. Forcément, quand tu leur proposes des trucs comme ça, ils vivent tellement de rien, en fait. Tous les risques sont bons à prendre. Donc en fait, c'est pour ça que je me dis, oui, t'envoies trois mercenaires qui crèvent la dalle sur une île pour récupérer de l'ADN de dino, et ils y vont, quoi. Ouais, ils se disent, on est armés, c'est bon, tout va bien se passer. Mais moi, ce qui me gêne surtout, c'est que le fait que ce soit pas encadré, en fait, tu vois, c'est que n'importe qui peut se retrouver sur l'île. Tu vois, c'est plutôt ça qui me gêne. Par trois, de façon. Ouais, mais enfin. Le bateau qui est autour. Ouais, non, mais bref, enfin, je trouve qu'il y a. Bah après, Jurassic Park 3, ils expliquent bien que c'est dans l'illégalité. Hein. Oui. Oui, mais il y a personne pour qui. Pour survoler l'île après, ils ont obtenu des autorisations. En fait, c'est que du flan. Ils coupent la radio quand ils se font dire qu'ils n'ont pas le droit. Enfin, tu vois. Oui, oui. C'est mais, surveillé, mais c'est tellement au large, en fait, que. Il n'y a personne qui intervient, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. du coup, on en parlait avant, les personnages sont très archétypaux, je trouve. Mais ça a toujours été le cas dans la saga Jurassic Park et même, enfin, au sens plus large, ça a toujours été le cas dans n'importe quoi, dans le cinéma, séries, livres, jeux vidéo, etc. Je remets pas en cause les archétypes, hein, c'est pas ce que je fais, mais je trouve Si que là, Spielberg traitait plus de sujets via les personnages, oui, la voilà. paternité et tout, avec Sam Neill qui aime pas les enfants dans le film, puis finalement il va les sauver et tout. Enfin, il y a Oui. plein de trucs comme ça. Là, c'est vrai que clairement, bon, là, à la limite, il parle un peu du couple, mais Ouais, c'est vite très fait. vague, quoi. Non mais Et encore une fois, franchement, Chris pour Pratt le coup, et Bryce Dallas Howard. et encore une fois, c'est Claire qui évolue le plus dans le film. Oui. Dans celui-ci et dans celui d'avant. Mais j'ai pas l'impression que Chris Pratt, c'est un acteur qui va beaucoup évoluer. Moi, je Ouais, pense que si, mais ouais. pas dans cette saga-là. Bah, dans le sens où je crois qu'il est destiné à jouer le même rôle presque toute sa vie. Chris Pratt, pour moi, c'est un peu le nouvel Harrison Ford. Hein. Bah, Vraiment. en fait, le truc, c'est que le problème de Chris Pratt, c'est qu'il a joué Star-Lord, et maintenant, on adapte Star-Lord, mais avec des dinosaures, et bah, Puis ça c'est fait surtout que, ON. bah, en plus, Chris Pratt est quelqu'un de très drôle, au Oui, très naturel. drôle, Du charismatique, coup, mais. tout le monde aime le diriger un peu en comique. Sauf que c'est pour ça que la scène, moi, avec la lave, là, elle me gêne un peu, quoi. Oui, ça fait Oui. trop. Parce que bon, on Oui. voit déjà, en plus, avant, il se prend un smack de Cinéceratops. Ouais. C'est... Bon. Moi, j'étais content d'envoyer une nouvelle espèce, mais... On voit beaucoup de nouvelles espèces en plus dans le film. Oui. Oui, il y en a pas Alors, par contre, mal. oui, alors ça, c'est pareil. Bon. Tu te dis, c'est des dinosaures, tu n'en as jamais entendu parler avant. Ils sont même pas sur la liste de Jurassic World quand tu regardes la liste des dinos dans Ah le oui, parc. sur Mais le par contre, site. tu les vois dans le film. Ouais. Les Baryonyx, on savait qu'il y en avait. Mais bon, la scène avec le Baryonyx dans le bunker, elle est assez cool. Ouais. Mais par exemple, on voit un allosaure. En plus, Carnotaure. la plupart du temps, c'est des gros prédateurs. Oui. Et même, on savait qu'à Jurassic World, il y avait. Enfin, à Jurassic Park, il y avait des brachiosaures. On suppose qu'ils sont morts. Après, à Jurassic World, il y a des apatosaures. Bon, ils sont pas morts. Enfin, pas On tous. les voit Et puis. dans la scène où il court. Ouais, et là, on voit des brachiosaures. Et pourtant, il n'y avait pas de brachiosaures de présenter dans le parc. Il me semble qu'on les entendait dans Jurassic World. Quand Chris Ah Pratt bon? il était en train de bricoler sur sa moto, il me semble qu'on les entend à l'arrière. D'accord, peut-être. Mais bon, c'est bizarre que officiellement ces dinosaures-là soient pas cités, quoi. Oui. Ou alors ils étaient dans le. En incubation. Oui, alors soit en incubation, soit c'était des jeunes, du coup, des juvéniles, et que du coup, bah après, Ils ont grandi en 20 ans. ouais, sauf que Ou là, ouais, encore. si c'était des petits dans Jurassic World, ils peuvent pas avoir cette taille-là dans Oui. Jurassic World Fallen Kingdom, hein, c'est pas possible. Mais ou alors c'était des jeunes dans le zoo là, le mini zoo où les gamins peuvent monter sur des triceratops. Pauvres gens. Donc, Enfin bref, oui. c'est la spéculation Ouais. là. Ce que je disais, du coup, c'était en fait, le souci pour moi, c'est que les personnages sont très archétypaux et Pas le Toby Jones. c'est en fait dans ce film-là, je trouve que la plupart des personnages, ils ont aucune profondeur, ils ont aucune vraie Oui. personnalité. Je prends un exemple des personnages qui m'ont gêné. Justice Smith, qui est un acteur que j'aime beaucoup, d'ailleurs dans The Get Down, que je conseille sur Netflix, qui joue le rôle de Franklin Webb. Donc c'est vraiment le geek archétypal qui a vraiment peur de tout, et qui, voilà, qui a le nez Tout qui toi avec coule le dès T-Rex. qu'il fait. Voilà. Par exemple, Daniela Pineda, donc on en parlait, qui est l'infirmière. Qui a pas froid aux yeux, La paello vétérinaire. Paléo voilà, vétérinaire, mais qui mais n'a jamais vu de dinosaure. Et c'est oui, normal. bah oui, Bah. enfin il y a pas. Mais si. Et si, parce qu'en fait, elle voulait aller sur le. Sur le. Elle voulait travailler à Jurassic World, sauf que le parc s'est fait détruire. Donc finalement, elle n'en a jamais vu, en vrai. Ouais, mais je sais pas si elle peut trop se considérer comme paléo vétérinaire si. Bah si, parce qu'elle techniquement, elle a fait les études pour. Ouais, enfin, je sais pas, C'est ce qu'ils disent. c'est. Mais ça, c'est encore une fois, c'est le problème, c'est que maintenant tout fonctionne beaucoup par univers étendu. Ah oui. Du coup, en fait, si tu te renseignes pas, tu t'es pas au courant, en fait. Ouais, non, mais c'est Et le clair. problème, c'est que le public lambda, bah, va voir le film, mais ne se Bah, mais en renseigne même pas. temps, Et ils ça, ont. Ouais. Je dis oui, repas, hein, c'est ouais. Normal. Oui, c'est un peu normal. Je suis le premier à le faire sur d'autres trucs. Moi, je le sais parce que c'est Jurassic Park et parce que je me renseigne. Mais ouais. Sinon, effectivement, oui. Mais si, si, elle est paléo-vétérinaire. Ils disent qu'elle a... En fait, je le sais via le jeu Jurassic World Evolution. Ah oui, j'ai pas encore joué. T'as toute une base de données et en fait, ils expliquent qu'elle a passé ses études et que du coup, elle a pas pu intégrer le parc parce qu'il a été détruit avant qu'elle puisse aller y travailler. Ah d'accord, je savais pas. Ouais. Donc elle est bien paléo-vétérinaire. Ouais. Où il y a encore le Ken Whitley. Moi, franchement, elle, je l'ai trouvée super. Elle est vachement cool. Non, moi, je la trouve chiante à mourir. Ah bon ? Ouais. Ah, mais moi, j'aime bien. Elle tient tête aux vieux cons et tout. Moi, ça me va parfaitement. Ouais, non, mais c'est vraiment l'archétype... J'allais sortir une référence à Aliens, mais c'est... maintenant, j'oublie le nom, mais... C'est la badass de base, vraiment... Ouais, mais après, c'est pas un des personnages principaux, donc tu vois, c'est pas... Mais... Moi, ça me gêne pas plus que ça. Ouais, c'est un personnage secondaire, donc... Elle reste secondaire, quoi, mais c'est juste que les scènes où elle doit jouer, effectivement, elle a pas froid aux yeux, quoi. Non, et même, je trouve qu'ils sont quand même bien utiles à... Et puis, elle est débrouillarde, elle est... Ils sont quand même, tous les deux, même Franklin, sont quand même bien utiles au film. Bah, plus elle que lui, je trouve, mais... Par exemple, c'est elle qui va sauver Blue. Lui, hormis le fait qu'il arrive à rebrancher le système, c'est tout, quoi. Bah, c'est un peu un running gag à lui tout seul, quand il hurle ou un truc comme ça, c'est... Ouais. Donc, oui, pour moi, le problème avec les archétypes, avec ce type d'archétype, c'est qu'il n'y a aucune substance derrière, il n'y a pas de personnalité distincte. On a vraiment l'impression d'avoir en face de nous des copier-coller de feuilles de personnages dans un jeu de rôle. Et pas de vrais personnages auxquels on peut s'identifier et s'attacher. À part, le seul personnage que j'ai trouvé vraiment intéressant et auquel je me suis attaché, c'est Maisie Lockwood, donc la petite fille de Benjamin Lockwood, qui a vraiment du caractère. Elle est aventureuse, tu vois, mais ça reste un enfant. Et donc, elle est apeurée par certaines situations traumatisantes. Et son histoire ainsi que son origine, moi, je l'ai trouvée super intéressante. Et du coup, je crois que j'aurais préféré vraiment l'avoir en personnage principal du film plutôt que... que Bryce Dallas Howard ou Chris Pratt, parce que pour moi, je pense qu'elle l'est, hein, quand même. Non, clairement, mais tu vois, on les voit pas tellement à l'écran. Non, je pense qu'il y a vraiment deux personnages principaux, donc Bryce Dallas Howard et Chris Pratt, mais je pense qu'elle, on peut quand même la considérer comme un semi-personnage principal. Pour moi, elle a plus d'importance, je pense, que les deux autres. Et même, c'est elle qui sauve les animaux à la fin. Oui, et je pense même qu'elle a plus condamne de l'humanité en même temps. Oui, elle condamne l'humanité, mais... Oui, mais encore une fois, Morgan, il me l'avait dit aussi, ça a une logique. Ouais. Oui, parce que c'est ses frères de sang. Oui, ils sont comme elle, quoi. C'est peut-être con à dire, mais finalement, c'est quand même assez vrai. Si tu suis la logique du film, alors effectivement, c'est pour la symbolique. Oui, voilà, c'est des pirouettes quand même scénaristiques assez... improbable pour arriver jusque là, tu vois. Elles ont une vraie logique, je trouve. Je trouve que la révélation du fait qu'elle soit un clone, je trouve que c'est, elle arrivait pas au bon moment. Non, c'est le vrai problème avec ce personnage-là, il est là, c'est que ça arrive comme ça. Ouais. C'est tout. Et là, c'est de la paresse parce que je pense qu'ils auraient pu, surtout que, enfin, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ils arrivent à s'échapper avec l'aide du Stiggy là. Le petit dinosaure qui défonce les murs, j'ai trouvé la scène rigolote. Elle est très bien. Et j'aime bien cette espèce en plus. Donc, voilà, tu te dis, bon, ils peuvent avoir accès aux ordi, tu vois, et tout. Ils peuvent aller fouiller et puis se rendre compte qu'en fait la petite c'est un clone, tout ça. Enfin, ça, je pense que ça aurait été plus intéressant de l'amener comme ça. Mais encore une fois, je pense que le souci c'est que le film doit aussi répondre à un cahier des charges bien précis. Ouais. Parce que Universal, pour le coup, ils sont très cons là-dessus. Hein. En général, on sait qu'ils sont assez chiants. Déjà, ils savent pas faire de la promo pour un film, ça c'est un vrai problème. Mais en plus, en termes de cahier des charges, c'est pour ça que le Dark Universe il prend pas aussi chez Universal. Hein. C'est parce qu'ils sont trop chiants. Ouais. Non seulement les films sont pas hyper intéressants, mais en plus ils sont super chiants apparemment. Et y a tellement de contraintes au niveau de la production, enfin venant des producteurs, que du coup, je pense qu'il y a plein de réalisateurs, ils sont obligés de faire l'impasse sur pas mal d'éléments essentiels dans leurs films. Et moi, je ne dirais pas que j'en suis intimement convaincu, mais je pense que dans l'idée de base, je pense que l'idée du clonage humain devait être plus approfondie que ça dans le scénario. Ouais. Bah, peut-être que ce sera plus approfondi dans le troisième. J'espère. Ça peut être parce intéressant. En plus, on peut pas vraiment s'attendre à une version longue, enfin, je pense pas. J'ai vu qu'il y avait eu 45 minutes qui avaient été coupées du film. Bah pourtant, ce serait cool. Hein. Moi, j'aimerais bien. Hein. Avec des dilophosaures en plus. Mais tu vous regarderais bien, hein. C'est très rare qu'Universal sorte des films de 2h30. Ouais. Mmh. Ouais. Oui, parce bah que pourtant, oui. Celui-là, il fait quasiment 2h10 déjà. Donc, ça veut dire que là, ils ont été gentils. Ouais, pour finir sur le scénario, je trouve qu'il y a aussi des grosses incohérences et débilités. Oui. Par exemple, je vais aller dans le très précis là, mais c'est pas grand chose, mais c'est souvent le genre de petits détails qui gâchent un peu l'immersion dans le film. Et c'est clairement là pour mener l'histoire dans une direction très précise, mais ça fonctionne tellement pas. On entend vraiment les rouages et les efforts des scénaristes pour que ça paraisse naturel, alors que c'est clairement pas le cas. Moi, je prends un exemple tout simple, la scène dans le bunker. Mmh. Ils passent au moins 10 minutes coincés là-dedans et ils se rendent compte à la dernière minute qu'il y a une échelle pour sortir. Voilà. Oui. Ah oui. Donc, j'ai trouvé ça d'une débilité sans nom. Il y a deux raptors aussi dans la cage. Ils sont vrais, ouais. Ils sont vraiment voilà. Coincés ou pas ? Ils parlent de dinosaures ou de Pokémon ? oui, enfin ils sont coincés, ça s'ouvre pas électroniquement. Avant qu'ils se rendent compte qu'il y a un baryonyx qui arrive, ils sont vraiment coincés. Bah oui, ils essayent d'ouvrir la porte alors qu'il y a une échelle à côté. Oui, la porte elle se ferme. D'accord, je me rappelais pas de ça, effectivement c'est très con. Ouais. Oui, c'est d'une. Mais tu vois, juste pour cette scène avec le dinosaure, pour qu'il puisse apparaître avec la lave, etc., pour que ça fasse un effet cool. Parce que tout le monde voulait le voir, les fans le réclament depuis des années et des c'est années. C'est ça. Mais je trouve que. Enfin, vraiment, tu sens les rouages du scénariste. Bon, comment on va les faire sortir de là ? Ah merde, il y a et une échelle. Et puis c'est vrai que, bon, pour continuer sur cette lancée, c'est vrai qu'en plus cette scène, bon. Ok, ils font quand même tous les deux partie d'une association qui protège les dinosaures. Ouais. Oui. Ils l'enferment quand même dans un bunker. La bestiole va cramer dans la lave. Ouais, ouais. Bon, là, je crois qu'ils s'inquiètent plus pour leur santé. Leur bien. Exploser. Mais bon, déontologiquement, c'est quand même pas. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Mais je crois qu'ils sont pas. Enfin. Peut-être Bryce Dallas Howard est plus, enfin Claire est plus dans la défense, mais lui. Ah mais les groupuscules vegan te diront oui mais les carnivores ont moins le droit de vivre que les herbivores. Non mais bon voilà. Bref, on va pas parler de ça. Oui et tu disais justement la cage de l'Indoraptor et ça c'est vraiment un truc aussi j'ai trouvé d'une débilité sans nom. Ça va dans le sens où les méchants sont l'homme est vraiment stupide. Mais, ouais, mais... Alors non, ça, c'est oui. Vraiment poussé. C'est vraiment trop poussé, je trouve. C'est vraiment trop poussé. Ça, oui, mais l'Indoraptor. Le mec, il rentre. Oui, mais. Oui, il fait semblant. Ça je veux très bien comprendre. Ça, mais je c'est comprends aussi parfaitement. Pour appuyer ça, quand même. C'est aussi pour appuyer le fait qu'il est capable de le. De le mais... berner, quoi. Ouais, non, ça mais fait mais un peu trop. Il rentre dans la cage, carrément. Oui. Bah, tu vois, mais c'est vraiment d'une débilité sans nom. Enfin, vraiment. N'importe quel humain qui a un sens basique de... enfin je sais pas c'est vraiment et vous avez vu que le l'Indoraptor souriait aussi oui. Hein, ouais j'ai vu aussi ouais, ça. Le petit rictus ouais ça le rend plus humain comme ça c'est non ouais l'Indoraptor j'ai bien aimé l'idée après ça me bah, il est plus peu... vicieux que l'Indominus Rex en fait. L'Indominus en fait c'était un peu une espèce de monstre de Frankenstein qui découvrait le monde en fait. Que là, l'Indoraptor, c'est plus une arme, c'est pas. C'est ça. Ouais. Donc. Dans le jeu, c'est une vraie saloperie, en tout cas. Ouais. Voilà, donc, ouais, il y a des petites. Enfin, vraiment des incohérences d'une débité. Cette histoire d'échelle, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Je m'en rappelais plus, mais oui, effectivement. Mais tu feras gaffe quand tu regarderas le film. De nouveau, moi, je l'ai vu qu'une fois, hein, mais. Mais pourtant, moi, je l'ai vu deux fois. Ah, moi, j'ai même pas fait attention à ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, mais ça c'est bizarre. Non, mais parfois j'ai l'œil pour des détails un peu débiles comme ça, mais c'est souvent quand je fais pas trop attention à l'histoire principale. Non, mais du coup, voilà, moi je vais vite finir du coup sur les acteurs. Je trouve qui a aucun attachement, enfin, il y a aucune alchimie entre Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Je trouve que c'est... Oui, le couple est pas très crédible. Leur couple est plat au possible. Et ils s'embrassent à chaque fois dans un moment où ils en fait, on les sent pas investis dans le film de manière générale, mais même dans leur simili-relation, c'est vraiment qu'ils sont là pour poser. Owen et Claire... Après... Ouais, vas-y. Excuse-moi. Après, leur personnage, je sais pas, il n'y a pas réellement quelque chose de profond ou de vraiment travaillé. Donc... Mais oui, ouais. C'est ça le problème aussi. Ouais, c'est clairement ça. Donc moi, je suis désolé, mais on nous montre deux personnages pendant... la plupart du temps du film, où on n'a aucun attachement pour eux, ou quasiment, on s'attache plus aux dinosaures qu'à ces deux mecs, ces deux personnages qu'on voit plus souvent. Enfin, vraiment, je trouve ça dommage, quoi, d'avoir des personnages principaux aussi plats et pas réactifs. Enfin, bref, je trouve que Owen et Claire ne sont clairement pas les nouveaux Alan Grant et Ellis Sattler, clairement pas. Ils atteindront jamais ce niveau pour l'instant. s'ils continuent comme ça, c'est clairement pas bien parti. Mais surtout qu'ils avaient une alchimie dès le premier. Enfin, dans le premier, il y avait quand même un petit truc. Ouais, non, mais il y avait une alchimie directe. Tu sentais vraiment qu'il y avait quelque chose. Voilà. C'est ces deux acteurs qui sont là pour faire leur job. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Je l'ai déjà dit pour les personnages secondaires qui sont. Je ne les ai pas trouvés très intéressants, à part, comme je l'ai dit, pour Isabella Sermon, donc c'est le nom de l'actrice, qui m'a vraiment impressionné, et j'ai eu l'impression de retrouver un peu un Spielberg période E.T. à la direction des acteurs, tellement les réactions paraissaient réelles et non jouées, en fait. C'était vraiment assez impressionnant. Enfin, un acteur, un enfant acteur, c'est souvent compliqué à trouver des bons enfants. Bon. Enfant acteur, pardon. T'en as pas beaucoup par génération, ce que je veux dire. Et là, je trouve qu'ils ont trouvé une actrice qui sait très bien, qui est très bien. Donc voilà. Dernier point sur Jeff Goldblum, on en a pas parlé, ou peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Il fait du Jeff Goldblum. Hein, c'est pendant deux scènes assez courtes au début du film et à la fin. Je m'attendais pas à un caméo quand même. De base, je m'attendais quand même à un caméo genre inutile. C'était juste là pour montrer, ouais, voilà, on a ramené Jeff Goldblum. Mais là, je trouve c'est lui qui pose réellement les enjeux du film. C'est lui qui pose les thématiques au début et même à la fin. Et je trouve que c'est vraiment un caméo très utile. Et franchement, je trouve qu'il est bien. Moi, je trouve qu'il participe surtout au côté classe. Après, l'utilité, je suis quand même moins convaincu. Parce que je pense que le film aurait pu se dérouler pareil, même s'il n'avait pas été là. Ouais. Je pense que les événements auraient été changés pour autant. Ouais, ouais. Mais ça fait plaisir de le revoir. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ce que c'est je voulais. Ça, mais bon, ce que je voulais dire, c'est que c'est Jeff Goldblum qui fait du Jeff Goldblum et moi, là, j'aime beaucoup. J'étais content de le revoir, même si c'était pendant un petit moment. Jeff Goldblum qui baillait. Voilà. mais je pense quand même qu'ils ont eu. Enfin, peut-être que ça a été raccourci, son implication dans le film, parce qu'ils ont peut-être eu peur d'être traité de nouveau de film à fan service, etc., comme ça a été le cas pour le premier. Et du coup, ils ont préféré peut-être en faire le minimum avec lui. C'est ni un bien ni un mal. Mais je trouve que c'est un bon minimum quand même. C'est bien, il n'y a pas de souci. Une bonne apparition. Voilà. Mais c'est clairement, enfin, niveau du cachet, faudrait peut-être revoir un peu les budgets. Hein. Parce que, bon, c'est clairement pas. Et voilà, donc on en a parlé. Musique, moi j'ai trouvé très bien. J'aime beaucoup Michael Giacchino et j'aime beaucoup ce qu'il fait avec les chœurs. Et là, surtout, la scène du toit, c'est surtout cette scène qui m'a marqué. Donc voilà, je vous conseille de réécouter la... Ouais, excellente. Par contre, j'ai oublié, on n'en a pas parlé, concernant la relation entre Chris Pratt et Blue. Qui est beaucoup plus développé. Ah oui, bien sûr. Mmh. Ouais, avec les flashs, les vidéos d'époque. Oui. Oui, c'est vrai que. Elle est bien développée, je trouve. Je trouvais déjà dans le premier Jurassic World que la relation entre Chris Pratt et les Raptors, je trouve que ça marchait. Je trouvais pas que c'était ridicule. Elle est plus intéressante que la relation Chris Pratt et Claire. Ouais, bah oui. Hein. Voilà. Mais il y avait beaucoup de gens, ils avaient dit ouais, mais non, c'est stupide, des Raptors, ils sont apprivoisés. Oui, mais ils sont. pas non plus apprivoisé. Enfin, bon, ils essayent de le bouffer un moment. Donc... Depuis le premier film, on n'arrête pas de nous dire qu'ils sont super intelligents, oui, voilà. Ils communiquent entre eux et tout. Enfin, surtout... Nous, on nous déliens avec des espèces aujourd'hui. Donc, Surtout que John Hammond le disait, que là, qu'il retenait la première personne qu'il voyait. Bah, oui. Peut-être que Chris Pratt les a vus naître. Enfin, je trouve que c'était très bien amené. Et ouais. Surtout qu'ils sont méga adorables, les Raptors, j'en veux. Les voir en sang, comme ça, c'était adorable. Vraiment. Ouais, faudra faire gaffe quand on croise un. Oui, oui, oui. Je me méfierais. Ouais. Et d'ailleurs, les bébés Velociraptor, qui est tout en CGI, rend vraiment bien. Oui, je trouve. Ils sont très enfin, beaux. Les ouais. bébés Velociraptor. Quand tu vois Chris Pratt le caresser Blue, je trouve que ça, le rendu est très bien. Mm. Et en plus, tu l'entends. Même si pour le coup, là, il caresse un coussin bleu ou une connerie comme ça, mais c'est vrai que c'est assez crédible. Et t'entends Blue ronronner. Et ça, c'est fou. Il y a les Compsognathus là. Compsognathus, oui. Pardon. Merci Wikipédia. Qui se cache en jouant les jouets au début, oui. Qui réapparaissent depuis Jurassic Park 3. La meilleure espèce de Jurassic Park 3. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, dans Jurassic Park 3, on les voyait. Mais dans Le Monde Perdu. Oui, oui. Féroce quand même. Ah, dans Le Monde Perdu, par contre, c'est des belles oui. petites saloperies. Si, bah, si. C'est la mort la plus traumatisante de Jurassic Park. En vrai, elle est vraiment horrible cette mort quand même. c'est génial. C'est Spielberg qui fait du Temple Maudit. Ah mais moi clairement. Celle-là et celle avec le mosasaur dans le premier. Oui. La nourrice là, oh là là. Elle a rien demandé. C'est mais... pas possible. Ouais. Ouais. Ok. Bon, voilà. On a fait. Il y a un côté comique aussi hein, dans la scène d'ouverture là où. On sait que le mosasaur il est là. Oui. Hein. Mais il y a le côté. Dans la musique, tu sais, ça part sur. L'autre il a réussi à attraper son échelle, ils vont le remonter dans l'hélicoptère, oui. Puis t'as la musique qui repart un peu victorieuse. Ah oui, là, ouais. Paf, ouais. Mais en plus, j'ai remarqué le début de cette musique là, ça ressemble un peu au Dents de la Mer. Oui. Ah, bon ouais. Ah oui, ouais. J'avais remarqué ça aussi, ouais. C'est possible. Ouais, j'avais trouvé le pattern un peu similaire. Une espèce de ouais. un truc comme ça. Ouais. Et au début, je me suis dit, mais putain, mais il passe la musique de Dents de la Mer, mais en fait, ça a changé. C'est vrai, j'avais pensé ça, j'ai complètement oublié. Ouais, non, c'est vrai. Voilà. Bon, on a bien parlé. La fin aussi, on en a pas parlé. La suite. Fin. Ah, la suite. Avec les dinosaures dans la ville. Oui. Apparemment, moi je suis sorti avant la scène de fin de générique. Et apparemment, il y a une scène post-générique où il y a trois. Un peu inutile. Trois ptérodactyles à Las Vegas. Oui. Voilà. Enfin, au départ, on croit qu'il déboule à Paris et en fait, on se rend compte que c'est Las Vegas. Oui, parce que tu vois la Tour Eiffel, voilà. J'imagine. J'aurais trouvé ça drôle qu'il fasse une scène post-générique pour chaque endroit de diffusion. Ah ouais. Ah oui, comme d'accord. Il l'avait fait dans Zootopie. Zootopie, par exemple. Les présentateurs du journal de Zootopie. Oui, c'est. Eh ben, c'est selon les pays, c'est pas les mêmes espèces. Ouais. En ouais. Chine, il y a un panda. C'est panda. Ouais. Au Canada, il y a un caribou. Enfin, c'est rigolo. Je trouve qu'ils aient fait ça. Et je me dis, là, ça aurait pu être marrant qu'ils fassent la même chose avec la scène post-générique. Voir les dinosaures arriver sur chaque monument bien spécifique de chaque pays. Mais bon, ça aurait été trop compliqué. Non, ouais, ça aurait été un peu compliqué. Et surtout, comment ils vont aller jusqu'au continent européen ? Ça va être la question. Parce que pour l'instant, ils sont. En volant, un ptérodactyle ouais. quand même. Oui, d'accord, mais il n'y a que des ptérodactyles du coup. Ah bah oui, mais ils auraient pu reprendre le même principe. Ah ouais. Ouais. Moi, bon, j'aurais trouvé ça drôle, mais bon, après, c'est rien, ça, c'est pas méchant. Oui, la scène du mosasaur, incroyable. Je suis avec les surfeurs. Ça, c'est oui. C'est... Mais il l'avait montré dans la bande-annonce. Oui, avec les bandes-annonces. Et puis là, il les a pas confondus avec une tortue. Hein. Là, c'est pas... là c'est pire que Jaws. Hein. C'est autre chose. Hein. je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Antoine, par rapport à la fin. Bon, moi, là, personnellement, non, j'ai plus. Pas... Ok. Après, à part que je suis vraiment hypé. En plus de ça, ils avaient sorti des vidéos sur Twitter. Du monde perdu où c'était des gens qui étaient en train de filmer le T-Rex en train d'attaquer le bus. Oui, parce qu'en fait, pour contrer le. Parce que du coup, toute la promo est virale quasiment. Donc il y avait le Dinosaur Protection Group qui faisait la promo de Jurassic World Fallen Kingdom pour les sauver. Du coup, maintenant, vu qu'ils sont libérés, l'association existe toujours pour continuer à poser la question de savoir si ces animaux ont droit de cohabiter avec nous ou pas. Et du coup, il y a un autre groupe qui s'est créé et qui, eux, sont contre le fait que les dinosaures aient le droit de de citer parmi nous. Ouais. Ça, moi, je pense que ça peut être très intéressant pour la suite. Ben oui, mais il faut explorer ça, parce que ouais. Moi, je pensais que le film ouais. allait en parler un peu plus, justement, de la protection animale et tout. Alors, il l'évoque. C'est intéressant, mais... Du coup, on, il on partirait des pharmaceutiques, pour... tout ça, ils en parlent à un moment. Après, Colin Trevorrow a bien dit que ce serait... Il voulait pas forcément en faire un gros film d'action, mais plus un thriller scientifique. Bon, moi, ça me va. Peut-être plus dans la même ce serait bien. C'est ce qu'il a dit que ce serait son intention serait... Enfin, bon, cool. après, moi, je crois plus les paroles de Colin. Oui, moi non plus. Bah, finalement, je me suis trompé tout à l'heure, c'était pour Jurassic World 3 qu'il a dit qu'il y aurait plus d'hybride. Ah, d'accord. Ouais, je me suis trompé. Autant pour moi. Et je pense qu'il n'y en aura pas. Bon, j'espère pas. Mais je vois pas trop l'intérêt, en fait. On en a déjà eu deux. Oui, donc, du coup, la saga se... Enfin, il y aura un genre de planète des singes... Enfin, effet planète des singes, c'est-à-dire... Peut-être, oui. Est-ce que les dinosaures vont exterminer les humains Jeff Goldblum, il en parle à un moment. Il le dit que si on n'en prend pas soin de ces espèces, ils seront là après nous. Donc, oui. Bah, ils étaient là avant, ils seront là après, oui. Ouais. Ils sont pas morts parce qu'ils étaient faibles, c'est la nature. Ouais. Ouais, bah, c'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est pas une espèce qui a disparu parce que. Ce serait marrant qu'à... Ce serait marrant qu'à la fin du 3, il y a un météore qui explose la Terre. Oh non, là par contre, non. ce serait génial. Alors là, je pense que après, les dinosaures dans l'espace, et c'est parti. Des pétitions contre Colin Trevorrow, là, je crois qu'il y en aurait beaucoup. Bah, moi, le seul truc qui m'emmerde, c'est que. Bon... Celui-ci, il y a des trucs qui m'ont un peu gêné, mais ça passe encore. Mais par contre, je me dis que dans le 3, s'il part vraiment dans des gros délires avec les T-Rex, les soldats, les machins, ça me fera chier. Aussi. Et là, c'est vraiment, là, je sais vraiment que c'est des éléments qui feront que je n'aimerais pas revoir ces films-là. Parce que jusqu'à maintenant, je me dis, bon, bah, à la limite, si t'aimes pas trop Fallen Kingdom, tu peux les regarder jusqu'au quatrième, et puis voilà, quoi. Ça va. Mais le problème, c'est que la fin de Fallen Kingdom, elle est tellement ouverte que du coup, tu peux plus t'arrêter juste à Fallen Kingdom. Il faut que tu vois le troisième pour avoir un visionnage bien complet. Et même si le troisième est pourri, ça fait chier. En fait, tu finiras toujours sur une note négative. Comme The Hobbit. Passons à la suite. Oh, <t'en rire> <vos yeux. rire> Ouais, bon, le troisième film, ça servait à rien. Donc... Ouais, bref, on parle. bref, du coup, voilà, on a bien parlé de Jurassic World, Fallen Kingdom. Juste une dernière question. vas-y. Dernière. C'est la dernière. Oui, la dernière. Vas-y. Pour ou contre, par exemple, continuer la licence, mais sur différents formats, par exemple en série, en dessin animé. Contre aussi, on est d'accord. Il n'est pas bon à. Voilà, je pense que voilà, ils ont refait une trilogie, c'est bien. Moi je pense qu'il faut s'arrêter là, c'était bien. Moi je verrais bien, ça pourrait être cool, une série mais qui se concentrerait sur des survivants après que les dinosaures aient exterminé tout le monde, quasiment. Et genre à la Walking Dead avec des dinosaures. Oui. Tu vois, c'est une idée à la con, mais ça pourrait marcher. Non, ou alors faudrait faire un crossover Jurassic World Walking Dead, comme ça tous les dinosaures bouffent The Walking Dead et la série mais oui, termine. Les dinosaures voilà. Zombies, c'est tout ce qu'on demande. C'est ouais, tout ce comme qu'on ça ils bouffent demande. Tout le monde. Des dinosaures zombies. Voilà. Non, en vrai, je pense qu'en série d'animation, ça pourrait être pas mal. Mais je verrais pas en fait en quoi. et qu'est-ce qui se passerait en fait, tu vois. Parce que par exemple, comme c'est Clone Wars pour Star Wars, il me semble. Ouais. Ou Star Wars Rebels, un truc comme ça. Qui font les liens entre le 2 et le 3. Ouais. Oui, voilà, oui. Qu'ils essayent de trouver, genre par exemple, ce qui s'est passé après Jurassic World, comment les animaux ils ont vécu. Enfin, en animation, ça pourrait être sympa, mais je pense qu'en film. En série, moi, ce qui pourrait m'intéresser, c'est. Mais ce serait moins grand public, du coup. Ce serait. L'aspect scientifique. Oui, ce serait ouais. comment ils ont réussi à. Mais comment ils ont réussi à faire le premier parc? Ouais. Qu'est-ce qui se passe une fois que le premier parc est foutu? Enfin, en fait, une série qui sera un peu dans l'ombre des événements des films. Les coulisses, en fait. Comment ça se passe au niveau... Mais plus, avec alors, Masrani, tout ça. Ouais, oui, voilà, comment Masrani Corporation serait venu au jour, tout ça. Ça pourrait être intéressant. Mais du coup, c'est vrai que je pense que ce serait peut-être moins grand public et ils ne le feront pas. Que, ah non, non, c'est clairement pas... C'est mon cool, idée, tu vois, c'est plausible, coup, la tienne. Que, impossible. Pour le coup, je pense que ce serait vraiment intéressant. Non, ça pourrait être intéressant, ouais, c'est clair. Mais par contre, ce serait clairement plus, oui, du thriller... scientifique ou même juridique, politique, un peu quoi. Ouais, ouais. Ça pourrait être bien. Moins de la ouais, SF. Mais... Bref. Le futur nous le dira, voilà. Ouais. Mais pour moi, la licence, faut la laisser tranquille. Un peu à la Westworld, quoi. Un peu dans ce style-là. Ouais. Ah, ça pour... ouais, ça après Jurassic World 3, faut la laisser tranquille. Non, mais ça arrivera jamais. Non, mais, non, puis surtout que ça se porte bien, parce que le premier a très très bien marché et celui-là fonctionne bien aussi. Ouais, il a dépassé le milliard. Un milliard, donc, ouais. Il fonctionne moins bien, mais c'était sûr, mais il fonctionne bien. Bien. Ouais. Donc ouais. Malgré les mauvaises critiques, ça continue. Donc ouais. Si le troisième fait un super score, à mon avis, Universal, ils vont pas lâcher le morceau. Hein. Ou ouais. Alors ils font des spin-offs. Ouais. Ou alors, non, ouais, ah oui, voilà. Une super idée. Alan Grant, une série sur Alan Grant. Voilà. Mmh. Ah ouais. Ça, ça pourrait être vraiment cool. Ou alors. Mais raconter quoi aussi sur Alan Grant? Mais tout son. Il y aurait des choses à raconter. Hein. Bah oui, toute son histoire d'étudiant en archéologie jusqu'à. Jusqu'à les accidents de Jurassic Park. Ouais, voilà. Mmh. Ah ouais, ça pourrait être bien. Tu vois, ça pourrait être sympa. Bah, limite pas, faire c'est... une série comme ça, un peu d'anthologie, un peu comme Black Mirror ou American Horror Story, où tu te concentres vraiment sur un personnage qui font tous partie du même univers, mais qui du coup, va aller une saison par exemple sur Alan Grant, une autre sur. Tu vois mmh. Ouais, enfin, ça pourrait vraiment. Mais être je cool. pense pas qu'ils viendront faire des trucs comme ça, mais bon. Ouf, ouais. Être... Non. Ouais. Mais c'est clair que pour le coup, moi ça me botterait ça par contre. Ouais. Ouais, non, ça, c'est clair. Moi, j'attends la série sur. Enfin, l'épisode sur le personnage de Wayne Knight. Wayne Knight, tu sais, Denis. Il s'appelle Denis Nedry. Denis Nedry, ouais. Ah, ça pourrait être sympa. Bref, voilà, bon. J'ai on passe enfin questions. À la suite. Ouais. Non, mais c'était une très bonne question. C'était une très bonne question, franchement. Donc voilà, vous avez tous notre avis. Il y a la critique d'Eddie sur le site. Donc si vous voulez en savoir plus. Sortez vos lunettes parce que je me suis bien lâché encore. Oui, je l'ai lu en plus. Antoine, toi, t'as fait une vidéo ou pas? Ouais, j'ai fait une critique sur ma chaîne. Donc, ouais. Mais que donc, j'ai vu. Ouais, moi j'ai évité toutes les critiques et tout avant de voir le film, et maintenant que je l'ai vu, je vais pouvoir me lancer dedans. Donc voilà. Puis ben, on va passer tout de suite à la dernière rubrique de ce podcast, qui est la Minute Nerd. C'est parti. On est donc à la dernière rubrique de ce podcast, la Minute Nerd, et du coup c'est au tour d'Eddie. Et est-ce qu'on va changer de sujet, je me demande bien, par rapport aux 1 heure qu'on vient de passer sur Jurassic World. Eddie, c'est à toi. Eh ben oui, on va changer de sujet puisque je vais parler de Jurassic World Evolution. Bah ouais. Voilà. Donc c'est le jeu vidéo qui est sorti sur plusieurs plateformes. Il est sorti sur console. PC, aussi. Xbox One, PS4. Ouais. Bon, moi je suis plus partisan du PC, surtout que là en plus c'est un jeu de gestion. Jeu de gestion, c'est beaucoup mieux. Hein. Donc c'est quand même plus confortable sur PC. Ouais. Moi j'avais joué à Jurassic Park Operation Genesis, qui était un jeu de gestion aussi, qui était très excellent, sympa, mais du coup j'avais joué sur ma PS2 et clairement c'était chiant. C'était beaucoup plus agréable sur ordi. Et du coup, bah, Evolution, c'est entre guillemets la suite. La même manière que Jurassic World a remis au goût du jour la saga Jurassic Park, et bah, du coup, Jurassic World Evolution reprend un peu les mêmes bases que Jurassic Park Opération Genesis. C'est-à-dire que le jeu vous propose de réussir là où les films ont échoué. C'est-à-dire tenir un parc qui en créant un parc fonctionnel voilà, où les dinosaures ne s'échappent pas et ne mangent pas de touristes. Voilà, donc ils se mangent pas entre eux. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Le jeu est vraiment, alors visuellement c'est très très beau. C'est vraiment c'est très très beau. Vous regardez la bande-annonce et c'est les vraiment les images du jeu, donc ça donne un bon aperçu et c'est vraiment très agréable à suivre et à regarder. Les animations des dinosaures sont super chouettes et ils ont plein de styles différents. Ils sont plus colorés que d'habitude c'est des couleurs assez ternes. Ouais. Quand on les voit dans les documentaires et trucs comme ça, là, ils n'ont pas hésité à mettre un peu plus de couleurs. Le jeu nous permet de jouer sur la génétique aussi. Donc, en fait, plus tu mets de l'ADN particulier à un dinosaure, ça améliore les stats au niveau de sa résistance, sa force d'attaque, son espérance de vie et tout. Donc, du coup, ça attire plus de touristes. Donc, on est dans la même logique que Jurassic World. Ouais. Pour le coup, ça reprend vraiment que le film de 2015. Hein, c'est... Il y a toutes les espèces qu'on connaît depuis le premier film sorti en 93. Mais et là, on a eu un DLC gratuit avec les espèces de Fallen Kingdom. Mais clairement, c'est le principe, c'est de faire son Jurassic World. Quoi. C'est pas, le but, c'est pas que... Enfin, il y a aussi le fait... Il n'y a pas de volcan qui explose, quoi. Non, il n'y a pas de volcan qui explose. Après, bien sûr, il faut gérer les anomalies de confinement. Donc quand t'as un T-Rex qui s'échappe, bah, il faut que tu réagisses. Et là, ce qui est sympa, c'est que plutôt que d'envoyer toi-même ton équipe récupérer le dino, tu peux prendre les commandes et piloter ton hélico, traquer ta bestiole, lui mettre un sédatif et puis la ramener dans son enclos. Donc il y a des séquences d'action quand même. Ouais. Okay. Et c'est assez bien géré. Le jeu nous... En fait, dans le... L'histoire des films se passe sur deux îles principalement, donc Isla Nublar et Isla Sorna. Et en fait, le jeu nous permet de jouer sur l'archipel complet, en fait, dont on entend parler dans les films. Ouais. Donc en fait, mais on commence sur jamais, une île qui nous amène sur une autre, etc. etc. Et en fait, Isla Nublar, c'est le mode sandbox. C'est-à-dire qu'on a budget illimité et là, on peut faire ce qu'on veut. Le principe étant de n'y jouer qu'une fois qu'on a terminé toutes les autres îles, parce que c'est elles qui nous permettent de débloquer tous les dinos, tous les ADN, tous les bâtiments, les machins, ouais, pour pouvoir faire le gros parc sur Isla Nublar. Le truc, c'est que ça se finit assez rapidement, en fait. Ouais. Moi, j'ai pris mon temps, donc j'ai mis 2 semaines et demie, 3 semaines. En combien de temps? 91 heures. Ouais, voilà. 91 heures, bonne moyenne. Mais... Non, mais. Mais tu ne dormais si. Plus. Si. Non, il faisait que ça. Ouais, mais bon, j'ai eu pas mal de jours de repos. J'ai bah oui, eu des non, congés, mais. Donc, voilà. T'en as profité, c'est très bien. Et puis, moi, je suis très nocturne, donc forcément, ça aide. Du coup, bah, là, j'ai fini. Donc, maintenant, j'attends des mises à jour, des trucs. Alors, pour le moment, on a que les espèces terrestres. On n'a pas d'espèces volantes ni aquatiques. Ouais. Mais je pense que ça viendra. Mais ouais, du coup, comme c'est développé par Frontier, c'est pas la même chose que Roller. Alors, oui, parce que Planet Frontier Coaster, qui avait développé Planet Coaster, dont je parle. Et Roller Coaster, aussi, bien sûr. Et Roller Coaster Tycoon 3. Voilà. Oui, dans Planet Coaster, on peut modifier les bâtiments. C'est vraiment basé sur de la pure création, Planet Coaster. Là, on n'a pas cet outil-là. Les bâtiments sont tout prêts, t'as juste à les placer. Après, voilà. Le jeu manque peut-être un petit peu d'éléments de décor, par exemple. Tu peux vraiment placer que des bâtiments, faire des routes, alimenter tes bâtiments, etc. Placer des galeries pour observer des dinosaures, des stations de gyrosphère, des machins. Mais il n'y a pas d'éléments de décor, genre des jardinières, des fontaines, des trucs comme ça, des statues. Ça, il faudrait qu'il l'intègre. Je pense que ce serait pas si compliqué que ça. Mais bon, vu que c'est pas mal réclamé par les joueurs et que Frontier est quand même plutôt à l'écoute de ses joueurs, il n'y a pas de souci. En sachant que le jeu a été fini un petit peu à la va-vite. Parce que Universal avait imposé une deadline bien précise et il fallait la respecter parce qu'il fallait que le jeu sorte pour la sortie de Fallen Kingdom aux États-Unis. Donc du coup, il y a certains petits éléments qui sont pas complets dans le jeu actuellement et je pense que ça va se mettre à jour au fur et à mesure. Voilà, donc la durée de vie pour l'instant, elle est assez courte parce que toutes les îles se terminent assez vite. Il y en a 5 à faire. La 6e, c'est Isla Nublar. Pour le moment, c'est vrai que c'est une durée de vie assez réduite parce que les mécaniques du jeu s'acquièrent assez facilement. Mais après, voilà, si on aime les dinos, si on aime la franchise et tout, enfin, on a vite fait de passer 3 quarts d'heure à bugger sur à regarder ces dinosaures évoluer dans un enclos et tout. Enfin, c'est chouette, quoi. Le jeu est tellement beau visuellement que du coup, tu prends le temps, t'essaies de te mettre à hauteur de visiteur pour visiter ton parc toi-même et tout. C'est assez ouais, cool. D'accord. Mais voilà, du coup, tu te fais plus. C'est un beau jeu. Ouais, pardon. C'est un beau jeu qui n'est pas donné, forcément, on paye la licence, donc là pour le moment il est quasiment 60 euros. 60 euros. Soixantaine d'euros. Ça fait un peu cher quand même, je trouve, pour un jeu de gestion. Pour un jeu de gestion, mais là on paye la licence, clairement. Oui. À comparaison, Plane Coaster, qui est un jeu de gestion et qui pour le coup est beaucoup plus poussé, il est à 34 euros, je crois. Ouais, mais du coup. Par contre, Eddie, petite question. Est-ce que tu joues à l'application mobile de Jurassic World ? Alors laquelle ? Parce qu'il y en a plusieurs. Celle où tu dois te promener dans la rue et attraper les dinosaures. Non. Oh ben non, mais surtout que moi dans ma campagne, les dinosaures, il n'y en a pas partout. Eh ben figure-toi que dans ma campagne aussi, eh ben il y a pas mal de dinosaures. D'accord. Mais c'est le Pokémon Go Jurassic World. Oui, voilà, c'est Jurassic World Live. Pokémon Go. Non, je n'y joue pas. J'avais joué à Jurassic Park Builder. Je Facebook ouais, que j'ai laissé en plan et Jurassic World le The Game qui était dans le même principe j'ai laissé en plan aussi donc c'est le principe de combat et... ouais moi je suis pas fan et puis je suis pas trop au jeu de les petits jeux comme ça sur Facebook et tout c'est pas trop ma cam. Ok, ouais. Voilà. Donc du coup tu te fais plus chier sur Jurassic World Evolution que sur Planet Coaster quand t'as fini au final. Ouais, ouais. Ah oui. T'as pas la rejouabilité d'un Planet Coaster. Non, bah non, parce que Planet Coaster, t'as une durée de vie infinie, quoi. Oui. Enfin, moi, j'ai le jeu depuis septembre 2017, Planet Coaster. J'en suis à mon deuxième parc. Ouais. et là, mon deuxième parc, je l'ai commencé en janvier, et là, j'attaque juste la dernière partie, là. J'en ai encore pour au moins un mois, facile. En un an de Planet Coaster, j'aurais fait que deux parcs, là où... j'ai fini Jurassic World dans 3 semaines, quoi. Ouais, ouais. Et je me suis pas pressé hein, sur Jurassic World, j'ai pris mon temps. Ok. Bah, très bien. Donc vous avez toutes les infos sur Jurassic World Evolution si ça vous intéresse. Steam. Il est sur Steam de toute façon, comme tous les jeux PC. façon, donc voilà. Oui, la plupart, c'est vrai que maintenant il y a Origin, machin, Ubisoft. Oui, bref. ne parlons pas de ça. Voilà, donc on va aller directement du coup à la fin du podcast. On est donc à la fin de ce 42e épisode du podcast Movies Nerd, beaucoup plus long que le 41e, mais bon voilà. Comme de toute façon, on va partir en vacances pendant 2 mois plutôt. Vous n'aurez pas de podcast en fin de mois de juillet, mais bien en fin d'août pour le bilan de l'été. Fin août, début septembre. Ouais. Voilà, c'est ça, fin août, début septembre. En tout cas officiel. Ah mais comment vont faire mes fans? Je vais leur manquer. Mais t'inquiète pas, il y aura toujours les parlants cinéma qui resteront. Voilà. Donc Ouais, mais Morgan. Donc voilà. Voilà, l'émission principale prend un peu de vacances. Voilà, donc merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous déjà à Eddie et Morgan comme d'habitude, mais un merci spécial à Antoine d'être venu. Merci à vous d'avoir partagé. C'est encore sympa de m'avoir invité. Mais c'est normal. En plus, franchement, c'était vraiment l'émission à ta. Que tu t'y connais vraiment en Jurassic Park ou World. Et voilà, donc là c'était vraiment. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas Adrien, mais et pour le coup, Adrien aurait eu un avis beaucoup plus. Virulent. Pas mitigé, mais oui, virulent, oui. Ah bah, si Adrien était là, on en serait encore en synopsis de Jurassic World, tellement. Non, il mais a pas du tout aimé. Ouais. Qu'il avait bien aimé l'autre. Donc, comme quoi. Oui, bah, comme quoi. Je sais qu'il aime pas l'original. Ouais, De toute façon, ça c'est incompréhensible. Je ne connais pas cette personne. Voilà. Donc, on va rappeler où est-ce que vous pouvez tous nous retrouver. Donc, le site principal où vous retrouvez les critiques, les émissions audio-vidéo, c'est moviesnerd.net. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, c'est movies_, donc le tiré du 8, nerd. Sur Facebook, c'est moviesnerd. Ensuite, vous pouvez noter le podcast sur PodCloud ou iTunes, ça nous fait monter dans le classement des podcasts cinéma, séries, et c'est super. Francophone, un podcast francophone, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai encore à dire ? Ben pour moi, vous pouvez me retrouver sur Sens Critique principalement, et enfin Sens Critique et Movie Nerd principalement. C'est The Lexal, THELEXAL, et puis sur Twitter, j'y suis plus trop, mais c'est la même chose. Donc et Steam, ben je vais m'y remettre puisque je suis en vacances dans un jour, donc voilà, ça va charbonner. Donc ça va charbonner. Ouais, ça va charbonner. Antoine, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Comme la dernière fois sur la chaîne YouTube Cinémania. Ouais. À une lettre près, c'était. T'as déjà fait la remarque la dernière fois. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Bah, je la refais quand même. C'est vrai. Ah oui, je l'avais déjà fait. Oh là là, mon dieu, je radote. Donc, on mettra de toute façon le lien sur l'article du podcast pour retrouver ta chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Faire de la pub, c'est ça. C'est normal, mon gars. Tu fais aussi ta pub pour tes fans, entre guillemets. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Morgane. Depuis l'émission dernière, je sais pas, il s'est mis à parler de ses fans d'un coup, c'est dingue. Bah, j'ai des fans. Le problème, c'est surtout qu'il est persuadé qu'il en a, en fait. Voilà, mais un jour, je veux voir ses fans en vrai, tu vois. C'est vraiment... Il faudrait que tu me les présentes. Parce que... du coup, Eddie, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, sur Sens Critique, sur Movies Nerd et sur le Facebook de Movies Nerd, c'est Eastark. Sur YouTube, c'est Eastark Play. Et bah, sur. Oui, bah, sur Steam, c'est Eastark 91. Voilà. Morgane? Eh ben moi, on peut me retrouver sur Twitter, Morgan Cineman. On peut me retrouver sur Snap, M Cinémaniac. Allez-y, ajoutez-moi. Sur PSN, Mogo-du-bas Sheridan. Et sur Facebook, Morgan Sheridan. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Merci encore à vous trois d'avoir participé. Merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis on se retrouve du coup fin août, début septembre pour le bilan de l'été 2018, c'est un traditionnel bilan. On parlera des films de juillet et août, il y aura pas mal de choses. Mission Impossible. Indestructible aussi. Non, Mission Impossible. Et voilà. Donc on se retrouvera sur ça et ben on vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez, on espère. Et puis ben à la prochaine. Salut. Salut. Salut. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Cue, ouais.